J'ai fait un écran d'accueil parce qu'on n'en avait pas. Oui, ben, merci, c'est bien. Non, mais c'est bien ça le titre. Ben justement, j'allais vérifier, tu vois. Parce que moi j'avais mis travail sous pression. Jamais. C'est l'apprentissage et le développement dans un contexte de gestion de pression au travail. Voilà, parce que j'avais mis la souffrance au travail, mais c'est pas ça. Non, c'est bien. Ok. Voilà. Parfait. Ok. J'ai pas eu le temps d'écrire le nom des trois, mais ils les ont devant eux. J'ai pas eu le temps, j'ai mis juste discutant Gérard Berniaud. Oui. Alors c'est pas lisible hein, sur un truc aussi noir. Bah non. Bah non. Bah ouais, c'est mal fait tout. Bonjour mademoiselle. Ah, c'est bon. Ouais. Bah, merci. Qu'est-ce qui met en route les micros? C'est la régie là-haut en fait. D'accord. Il est là? Non, il n'est pas là. Si? Ah si, voilà, ça baisse. Il nous entend, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. Une ambiance cinéma. On éteint la lumière progressivement. Non, pas plus que ça. Voilà, c'est la salle qui est un peu dans le noir. Si vous en êtes d'accord, on commence. Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup. On va peut-être commencer. Est-ce que vous m'entendez? Non? Voilà. Ah oui, ça y est. Bien. Bon, alors, j'ouvre la table ronde intitulée « L'apprentissage et le développement dans un contexte de pression ». Au travail. Alors, il y a trois intervenants pour commencer, qui vont parler dans l'ordre. Et puis, je poserai quelques questions pour amorcer la discussion, et la discussion sera ouverte à tous, comme ça a été le cas dans les tables rondes précédentes. Alors, je vais juste présenter très rapidement les trois personnes à qui incombe la responsabilité de lancer le débat. Gérard Delacour, que je présente comme un philosophe, au départ intéressé partout, toutes sortes de choses, le théâtre, l'opéra, l'informatique, et notamment la formation. Alors, c'est en particulier pour ça qu'il a essayé d'éviter la souffrance au travail en montant des actions de formation, en voyageant pas mal, en vivant dans d'autres pays, assez longtemps aux États-Unis par exemple. Et il a décidé sur le tard de préparer une thèse de sciences de l'éducation, à l'âge où on commence une nouvelle vie, la retraite. Voilà. Alors il est une cheville ouvrière de l'association de didactique professionnelle, le mot n'est pas trop fort. D'abord parce qu'il a la fonction ingrate de trésorier, mais il a aussi une fonction devenue totalement essentielle pour l'association, c'est celle de gérer le site de l'association. Donc on lui doit beaucoup. Notre deuxième présentateur, Francis Gainsbourger, je l'ai connu au ministère de la Recherche, il y a un certain nombre d'années, et à un moment où il était chargé de mission au ministère de la Recherche. Le scoop que je veux vous confier, c'est que c'est lui qui, le plus probablement, a introduit dans la langue l'expression didactique professionnelle. Alors voilà comment ça s'est passé. On discutait les uns et les autres, il y avait un séminaire, il y avait un groupe de travail, il y avait tout ça. Et puis, un beau jour, devant le comité scientifique préparant le colloque de l'ENS qui s'est tenu il y a à peu près un an et demi, quelqu'un pose la question, et la didactique professionnelle, d'où ça vient? Et moi, j'avais un peu parlé de la didactique des disciplines, et donc j'étais embarrassé pour aller plus loin, et c'est Pierre Pastré qui a donné la solution. Il a dit, mais c'est Francis Gainsbourger, je crois, qui... dans les années X, ça devait être dans les années 86-87, par là, peut-être, hein, à peu près. Peut-être un peu plus tard, je ne sais plus exactement. Qui a donc introduit cette nouvelle expression dans la langue française. Donc il y a un plus. Voilà. Alors c'est Pierre Pastré, donc je le répète, je me répète beaucoup, mais ça c'est dû à mon âge, vous n'en voudrez pas. Et alors, voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, Francis Gainsbourger se présente comme un électron libre, s'occupant de toutes les questions, quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles l'intéressent et pourvu qu'on lui en fasse la demande. Il répond à la demande un peu, c'est une bonne attitude dans la vie. Hein. Sauf que ça peut conduire très loin, mais enfin... Et il est donc il répond aux demandes, qui aux questions. Enfin, il essaye de mettre son grain de sel dans les questions qui sont susceptibles de se présenter et qu'il organise dans les organisations. Voilà. Alors la revue Esprit, il a écrit une revue, il a coordonné une revue Esprit en octobre 2011 et dans laquelle il paraît qu'il y a beaucoup de papiers. Je les ai pas lus encore, donc il va essayer de m'envoyer le texte pour que je m'y accroche à mon tour. On n'est pas au courant de tout et chacun a son milieu de préférence, sans qu'il ait vraiment formulé de préférence. C'est un petit peu les circonstances de la vie qui font que les uns... Moi, ça fait bien 15 ans que je n'avais pas rencontré Francis Gainsbourger. Voilà. Donc je suis content de le retrouver aujourd'hui autour de la table. Alors Frédéric Mispelbaum-Beyer est professeur de sociologie à l'Université d'Evry. Il est responsable d'une équipe de recherche en sciences de l'éducation qui est coordonnée au plan général par Jean-Marie Barbier, mais au CRF, il a ajouté une déclinaison qui est ETE, hein, enseigner, transmettre, encadrer. Tout ça pour dire que son activité principale de recherche porte sur l'activité d'encadrement, dans tous les secteurs d'activité qui peuvent se présenter, là encore, un certain opportunisme, vous voyez, dans la manière de s'intéresser aux choses de la vie. Et il nous a dit tout à l'heure que sa grande question, c'était finalement la dialectique entre l'enseignement et l'encadrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrement sans enseignement, il n'y a pas d'enseignement sans encadrement. Voilà, je leur laisse la parole. Et d'abord, à toi, Gérard. Merci. À presque 70 ans, quand on a réchappé effectivement à 43 ans de cotisation à la sécurité sociale, et qu'on doit parler d'un sujet comme celui-là, que j'ai appelé la torture propre, pas seulement par provocation, vous allez le voir, je voudrais aborder d'abord dans une très courte introduction une notion qu'au Japon, on appelle le karoshi. Le karoshi, c'est littéralement la mort par le travail. C'est 10 000 morts par an au Japon. Les statistiques les plus anciennes datent de 1995. Comme je siège en commission... l'Europe sur les problèmes d'éducation à distance, et que le Nihon Keizai Shimbun donne et apporte sa contribution à des programmes d'éducation à distance dans les entreprises, il faut savoir que, effectivement, le karoshi, c'est aussi d'être obligé de suivre la formation la nuit, au lieu de dormir. Et Azuki Sugarawa parlait de régime de cheval pour cadres stressés. Eh bien, effectivement, on dresse des chevaux de course et on est bien loin, pour moi, de ce que j'ai connu au début de ma carrière d'intervenant dans l'entreprise, la loi de 1971 sur la formation professionnelle, sous Giscard d'Estaing. C'est-à-dire la personne, le sujet singulier au centre du dispositif. On court d'ailleurs après depuis toujours. Je ne veux pas, et c'est mon introduction, je ne veux pas aller avec vous dans le pathos psychosociologique. Et il est vrai que mes bases, ce sont les philosophes, mais L'ADP aussi en parle. Dans son dernier livre, Pierre Pastret évoque la question des suicides dans son introduction. Même Yves Clos a sorti un livre sur les suicides à l'occasion, mais ce sont des livres de circonstances sortis à l'occasion d'événements médiatisés chez Renault, par exemple. Donc peut-être que l'ADP et d'autres sciences de l'éducation ont à dire quelque chose sur ce sujet. Pour Marie Peset, qui ne fait pas l'unanimité, c'est une psychanalyste qui travaille deux jours, les ressources humaines seraient en danger. Et pour deux jours, eh bien, je vous cite une phrase, « Travailler, c'est combler l'écart entre ce qui est prescrit et les objectifs à atteindre pour que ça marche. Le travail vivant, c'est le réel du travail, ce qui se fait connaître à celui ou celle qui travaille en termes de résistance. Et donc, l'échec, c'est l'expérience du travail proprement dit jusqu'à sa résolution, et on peut même appeler ça la noblesse du travail. » Et nous disons, nous, du moins dans un certain courant, qui est alors production et en même temps construction. Je ne reviendrai pas là-dessus. L'intimité du sujet avec la matière de la tâche mobilise en fait toute la personnalité. Ce sur quoi, bien entendu, entre autres, Isabelle Vinatier travaille énormément sur les interactions, etc. Eh bien, c'est ça qui est mis en cause aujourd'hui, selon moi, jusqu'à sa disparition. Et ce serait peut-être ça qui serait générateur de souffrance. Nous allons nous interroger. Je vais vous faire deux courtes parties. Une première partie, l'état des lieux, c'est-à-dire de quelles aliénations parlons-nous. Et une deuxième partie, quelles sont les conséquences et comment peut-on parler de torture propre. L'état des lieux, ben, moi je dirais il y a trois aliénations. Par l'isolement social, mental et culturel. Isolement. Avec ses articulations avec les psychopathologies du travail, Marie Peset, c'est un très bon travail. Son journal quotidien de la consultation souffrance et travail de 1997 à 2008, qui s'appelle « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Alors, social, eh bien, bien sûr que pourquoi on travaille, ben, on veut être utile avec les autres. On est dans la construction d'une humanité meilleure, plus éclairée, un travail intelligent, etc. Les intelligences à l'œuvre dans le groupe au travail permettent de parvenir à un accord normatif, ce qui s'impose au groupe. Quand on articule les accords normatifs, on aboutit à une règle de travail et qui, ajoutées les unes aux autres, forment des règles de métier qui condensent, qui récapitulent les expériences des acteurs participants. Comme ça que ça a fonctionné, que ça fonctionne encore dans certains endroits. Comme il y a disparition de tout cela par interdiction de l'espace de délibération, la précieuse élaboration de ces règles a tendance à disparaître. Donc il y a coupure du sujet de la personne d'autrui, et il y a un maintien du lien au réel dans cette sorte d'isolement, il y a un maintien de sa propre conviction qui peut aller d'ailleurs jusqu'à la paranoïa, ou à l'inverse, au doute de ses propres compétences, et les conséquences en sont la dépression, et bien entendu les fameux suicides dont on a tous entendu parler. Ici, déjà, le travail, comme valeur en tant que telle, a disparu, et un autre plan, je vais vite, aujourd'hui, la loi du genre d'une table ronde, c'est de discuter ensuite. La deuxième dimension, pour essayer de cadrer un peu cette question vaste, c'est sa dimension mentale. Bien sûr, moi je pars des nouvelles technologies, enfin ce qu'on a appelé nouveau, toutes les technologies, pas seulement pour l'éducation, c'est l'intrusion de tâches programmées dans la vie privée, avec manifestement augmentation des emplois payés à temps partiel, mais dont la durée effective, elle, augmente. Il y a des tas d'études de l'Europe là-dessus, notamment de vous qui s'êtes intéressés. Une très bonne étude de 2006, European Working Conditions Surveys, qui fait un travail remarquable. Et le fameux livre vert de la Commission européenne sur la modernisation du droit du travail, je cite, « Pour relever les défis du XXIe siècle, le maître mot étant, écoutez bien, flexicurité. » La flexicurité, c'est la flexibilité et la sécurité. dérégulation accrue du droit du travail, sécurité des résultats et de l'effectuation de la tâche par élaboration de référentiels qui sont de véritables gammes exigées en termes de compétences requises. Sur ce fond légal mis en place par l'Europe, et bien entendu, le sujet, la personne, se trouve en état de concurrence avec son voisin, ça c'est une dimension sociale, de compétition par rapport à lui-même, et bien entendu, tout cela dégénère une solitude évidente. Il y a coupure du lien entre le sujet et le réel, et également ses collègues. Les conséquences psychopathos, c'est des bouffées délirantes, des paranoïas situationnelles, des psychoses dissociatives. Le troisième volet de ce tableau noir, c'est l'aspect culturel, l'aliénation culturelle. Que se passe-t-il quand on ordonne à quelqu'un de ne pas bien travailler, en lui disant « ce que nous avons à livrer ne doit pas être bien fait ». On vous oblige à ne pas faire de qualité, sauf, par exemple, dans les usines d'armement. La dégradation de l'estime de soi est inéluctable et le format du travail a donc changé. Le travail, c'est un coût à réduire et pas grand-chose d'autre. Ça devient sa définition. Donc il y a une perte du rapport au travail pour l'individu, un déni collectif aussi, une décompensation du collectif, ce qu'on appelle aussi le burn-out, la perte des règles de métier, l'élection d'un bouc émissaire bien souvent, le passage de stratégie collective de défense à une idéologie défensive ou à la servitude même volontaire, c'est le fatum, c'est comme ça, on n'y peut rien et il n'y a pas d'autre solution pour faire face aux besoins du 21e siècle. N'en jetons plus et passons à une courte analyse des conséquences et ce que j'appellerais les catégories de l'enfermement du sujet singulier. Est-ce qu'on peut parler d'invariant identitaire? Je ne sais pas, c'est peut-être une piste à creuser. Est-ce qu'on va pour autant vers la souffrance? Pour moi, ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que le sujet même de notre table ronde n'est pas du tout évident. Et pour en avoir échangé quelques mots avec toi, et tu vas en parler, donc je ne le ferai pas. Et il est évident qu'il y a des souffrances qui apportent aussi du plaisir, voire des travaux dans la souffrance qui sont de véritables nécessités. Mais ce qu'il y a, c'est qu'entre le sujet et son activité, alors je vais essayer de recentrer très modestement sur l'ADP, parce que je suis un nouveau venu, moi, dans la diététique professionnelle, vient s'introduire comme un coin l'exigence de résultat, c'est ça dont je voudrais vous parler maintenant. Au travail se voit substituer le résultat. Il s'interpose entre le sujet et son activité. L'activité est évaluée en termes de résultat, le travail n'étant qu'un des éléments de cette activité. Et dans ce contexte, qu'en est-il de l'intimité avec la matière de la tâche dont je parlais tout à l'heure? Et le sujet se trouve lui-même identifié par ses résultats normés. Ce qui compte ici, c'est l'évaluation de la performance, non pas qualifiée, mais uniquement quantifiée. La question est comment les règles de travail peuvent-elles se renouveler et s'ajuster dans un tel contexte de compétition et donc de peur. Le management, lui, devient pathogène. Dans un tel contexte, comme le travail lui-même en tant que valeur disparaît, la valeur travail a jamais moins existé qu'aujourd'hui. Le travail disparaît purement et simplement à cause des détournements opérés par le management. Alors lesquels? Bien, puisque notre ami Gainsbourger parle en 2010 dans son très bon livre du travail comme coût à réduire. C'est plus que ça. Certaines pratiques organisationnelles sont extrêmement pathogènes. J'en cite quelques-unes. Le détournement du lien de subordination, les omissions, les discriminations, le contrôle invasif, la reddition de comptes compulsive, je vais en donner un exemple dans un moment, les punitions, le détournement de l'activité, les injonctions paradoxales, la négation et la disparition identitaire des individus dans un contexte de travail, les pressions émotionnelles, bien sûr, et surtout l'exigence d'hyperactivité. Le printemps des cabasses, une cabasse, c'est aussi en français du latin caput, la tête, hein, et le commandement, le pouvoir. Eh bien, je vous cite la phrase du doyen de l'Université du Québec à Montréal il y a 15 jours. Il disait « Les cerveaux doivent correspondre à l'entreprise, les cerveaux sont moulés par l'entreprise. » Sans l'accent. Ordonner de ne pas travailler bien à quelqu'un, entraîne une double désinformation. Premièrement, dans la panique, parce que qu'est-ce qu'y a-t-il de plus désorganisant pour l'individu que de lui dire « tu fais un travail, mais il faut que tu le fasses mal ». On ne peut pas payer, on ne veut pas de qualité. On n'est pas payé pour que tu fasses de la qualité. On ne va pas vendre si c'est bon, si c'est trop bon. On ne va pas renouveler si c'est trop bon. On ne vendra pas de pièces détachées si c'est trop bon, etc. Donc il y a panique et il n'y a derrière qu'une solution unique, c'est d'obéir effectivement aux gammes qui sont proposées. Donc c'est bien une double désinformation. Et la façon dont le travail est organisé produit donc une solitude parce que la compétition est élaborée, je l'ai déjà dit, entre les individus dans un tel contexte. La compétition se met en place entre les individus à celui qui va le mieux possible respecter les consignes institutionnelles. Ainsi, le travail prescrit et évalué, est-il le bon travail ? Et puis le travail réel, c'était avant le beau travail, mais on ne peut plus se permettre, c'est un luxe et ne correspond plus aux besoins du marché. Les logiques managériales qui sont à l'œuvre, que nous dit Christophe Hellou, c'est un co-auteur avec Françoise Lantôme, d'un bouquin paru en 2008 qui s'appelle « La souffrance des enseignants » au PUF. Eh bien, les logiques managériales, leur ambition ultime, c'est de surimposer le travail prescrit sur le travail réel. C'est une forme de taylorisation, ressentie comme une violence par les travailleurs, qui n'en sont pas toujours conscients. C'est sûr que quand deux jours intervient dans les entreprises, quand il s'en va, on en parlait tout à l'heure, en général, ça se passe mal derrière. Il y a des grèves, où il y a plus d'absentéisme, comme tu le disais, ou etc. Enfin, tu en parleras peut-être. Mais il est évident que violence ressentie n'a rien à voir avec conscience de cette violence. Ça, c'est un autre problème. Éclate de nouveau la question du remplacement, c'est-à-dire la substitution pure et simple du travail par des résultats. Le rendu, c'est-à-dire le rendu visible de votre activité. Et l'évaluation se déporte donc sur cette soi-disant visibilité. Ce n'est donc pas, et c'est là la partie peut-être qui m'intéresse davantage, moi plus théorique, je dirais que ce n'est pas sur l'objet direct de l'activité que porte l'évaluation, mais sur l'apparente soumission aux objectifs définis par l'institution. Telle grille d'entretien, par exemple, est utilisée dans l'académie pilote, dite comme telle de Dijon, et qui propose de mesurer la capacité des enseignants, je cite, « remettre les documents demandés au moment voulu, appliquer les règles collectives concernant les sanctions et les punitions, respecter la hiérarchie, s'impliquer dans le conseil d'administration ou le conseil pédagogique, remplir le cahier de texte. » Les élèves ont disparu, les apprentissages aussi, les savoirs, la pédagogie. Reste l'évaluation des pourtours de la tâche professionnelle. L'évaluation finit par commander l'activité, et c'est là qu'apparaît la forme la plus pernicieuse, sans doute, la plus propre de la souffrance. Les enseignants ont à produire la preuve factice de leur excellence, autant de signes de soumission aux injonctions de l'autorité. Qu'est-ce qu'a à voir la didactique professionnelle là-dedans et les sciences de l'éducation, si ce n'est, allez, je le dis, peut-être comme gamme de fabrication d'un bon résultat. La centralité du travail, nous le savons, est essentielle dans la construction identitaire. Or, la réalité quotidienne, c'est que le travail prescrit est éloigné du travail réel. Ce n'est pas vraiment nouveau aujourd'hui. C'est non seulement valorisé, mais c'est devenu carrément une perversion. En effet, ce n'est plus le travail réel, c'est-à-dire l'activité réelle qui est une valeur, mais c'est la mise en place des stratégies de défense pour éloigner la souffrance, soit des stratégies individuelles, soit des stratégies collectives. Et la plupart du temps, elles sont individuelles. Je reviens à Marie Peset, parce qu'il y a une citation intéressante qui dit « Nous sommes là, elle est psychanalyste, nous sommes là dans la lourdeur, la gravité et le cynisme des rapports sociaux, dans les rapports de domination et de soumission qui s'exercent dans le monde du travail comme ailleurs. » Je termine en disant « Si l'analyse de l'activité est devenue, par exemple, un outil d'analyse en vue du recrutement, ça se fait, c'est-à-dire l'évaluation de la conformité par rapport à une conformation, eh bien, pour moi, on entre de plein pied dans la question de la souffrance du sujet. Exemple, hier, dans ce colloque, un éminent enseignant est venu vers moi me demander qui pourrait l'aider à mettre en place un instrument, un dispositif d'analyse automatisé des besoins en formation dans l'entreprise. Eh bien, c'est un logiciel dernier cri, au sens propre. Au lieu de penser l'activité en vue de la formation, la didactique professionnelle risque de devenir une gamme de fabrication, un ensemble de gammes de fabrication, et l'outil d'évaluation avec un indicateur de performance qui sera le besoin des entreprises, qu'accompagne un sentiment de dépossession et qui mène, dit Badiou, à l'insurrection tranquille. L'ADP, la didactique professionnelle, comme les autres centres de l'éducation, se heurte à l'interposition donc, entre le sujet et son activité d'un résultat évalué, c'est-à-dire d'un objet doublement valorisé par la prégnance du marché, d'une part vers le client, et d'autre part vers le profit dégagé, on le sait bien, pour l'actionnariat hyperlibéral. Eh bien, trois mots, et je termine. La question qui est posée, c'est effectivement, au-delà de tout ça, et au-dessus d'un discours un peu militant, c'est la question du rapport de l'humain et de l'humanité au travail. Qu'est-ce que c'est qu'être normal, hein ? C'est aimer et travailler, disait Freud, on le sait, mais qu'en est-il ? Pourquoi y a-t-il torture, selon moi ? Parce qu'il y a altération du rapport au travail, altération par rapport à la tâche, altération de l'identité du sujet, désaffiliation par rapport à autrui. Altération et désaffiliation sont deux techniques enseignées dans les écoles de torture. Nommément, vous prenez le site de la CIA, qui ne cache rien, qui se trouve sur Internet, CIA.org, vous avez ces techniques qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Les solutions, eh bien, je dirais trois phrases. Supprimer la subordination qui ne serait pas liée directement à l'accompagnement de l'activité. Supprimer l'évaluation quantitative. Supprimer les référentiels, couper du cadre de référence du sujet, c'est-à-dire placer l'identité du sujet singulier au centre des dispositifs dans lesquels le savoir est au service des connaissances en première personne. L'ingénierie de formation peut le faire et elle doit le faire. Merci. Francis Gainsbourger. Oui, merci Gérard. Lorsque Pierre Pastré m'a fait la gentillesse de m'inviter ici, j'ai vu donc comme quelqu'un ce matin, ce titre de pression, de nouvelle pression au travail, de contexte de pression au travail, et j'ai voulu m'interroger ici sur la notion d'intensité du travail ou d'intensité au travail. Je pense que nous sommes dans un moment de transition historique que j'appelle la société post-industrielle ou peut-être l'émergence d'une société servicielle dans lequel, pour reprendre le propos de Deleuze, se combine la société de discipline et la société de contrôle, c'est-à-dire donc la discipline du mode opératoire et le contrôle des résultats, la gestion. Et que dans cette période, la critique sociale se cherche. On a tendance à dénoncer les intensités du travail, certaines intensités du travail, mais on n'en voit pas d'autres. Les deux intensités du travail que l'on dénonce classiquement, que la critique sociale et y compris scientifiques, dénoncent classiquement, c'est l'intensité des opérations, l'intensification des opérations, donc la productivité, l'augmentation de la productivité, et puis une intensification que j'appellerais des situations, c'est-à-dire que de plus en plus de moments, d'événements imprévus, d'aléas se produisent dans l'activité, ce qui est source d'une tension que j'appellerais électrique. Et ces deux tensions sont des tensions en quelque sorte physiques et on a tendance beaucoup à insister sur elles. Je crois qu'il y a une autre manière de voir l'intensité du travail qui est de considérer, donc de se situer dans une perspective plutôt servicielle, interactionniste, et de considérer ce qu'il en est des ajustements mutuels. Et je vais y venir dans un instant, des prescriptions mutuelles au cours de l'activité. Et à ce moment-là, on peut regretter la faible intensité maïotique du travail, tel que ce qui travaille les agents, c'est précisément cette faible intensité qui est empêchée par les deux autres. Puisque je mets mon grain de sel, puisque tu me présentes comme un paludier finalement, hein, qui non seulement j'en mets tellement qu'il faut bien que je le produise le sel, et donc je mets mon grain de sel actuellement sur les services publics et sur les relations de services publics, et je pense que on est typiquement dans le cas, de mon point de vue, les services publics sont le symptôme le plus fort de ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire la tendance à l'industrialisation des services publics et en même temps une intensité maïotique empêchée. Je crois que ils sont aussi un révélateur d'un changement radical qui est le passage du rapport de production à la relation de service, du rapport de production confiné à la relation de service en public. Et donc, je crois que les interactions, les ajustements mutuels ne sont pas un à côté du service public, mais sont au contraire au principe du service public, parce que c'est cette interaction qui est constitutive de l'engendrement d'un effet utile et de la découverte de biens publics qui ne sont pas déjà là, qui se produisent au cours de la relation elle-même. Et donc, dans les services publics, je crois que le faible degré de coproduction, le faible degré de co-conception des services publics au cours de la relation de service elle-même, c'est ça qui tend à placer l'usager en extériorité de la production d'un bien qui est réputé commun, mais qui finalement devient une prestation comme une autre, ce qui contribue à des relations de type client-fournisseur, à des tensions professionnelles usagées, mais qui sont vécues, je vais en parler dans un instant, dans l'ordre des tensions entre des personnes sur l'espace public de façon générale. Et donc, à ce moment-là, on parle de comportement incivil. Mais les comportements inciviles sont produits par les conditions de l'activité ou de l'interactivité des professionnels et des usagers. Je pense donc qu'on n'est pas en présence actuellement d'un changement de degré des intensités antérieures ou de leur cumul. Les pathologies d'hypersollicitation qui sont mises en avant, les troubles musculo-squelettiques, etc., dont parlent énormément les sociologues français, existent, elles sont importantes, elles touchent en particulier les gens dont l'activité est de plus en plus soumise à des normes de productivité et en même temps à une accélération des rythmes. Moi, j'attire toujours l'attention sur le fait que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Tout à l'heure, Vergniaud me demandait « Mais est-ce que tu auras des exemples ?» Alors, je vais juste donner un petit exemple de ça. J'ai accompagné parmi les grains de sel qui sont les miens, une usine en reconversion pendant 4 ans. Et assez vite, on a travaillé sur l'activité, sur l'expérience des ouvrières. Et les ouvrières disaient qu'il y avait deux moments dans l'année. Il y a la période d'une dizaine de mois au cours de laquelle on fait la production, et puis la période des collections deux fois par an, à peu près une quinzaine de jours. Et là, c'est mon travail. C'est-à-dire que dans les périodes dans lesquelles on conçoit les prototypes, les collections, le travail est beaucoup moins, le relâchement de la contrainte temporelle est beaucoup plus. Enfin, il y a un relâchement de la contrainte temporelle, il y a beaucoup plus de coopération. On n'est plus dans la simple coordination, on n'est plus dans les intensités industrielles. On est au contraire dans les interactions, y compris les ouvrières font remonter leur grain de sel vers les concepteurs, vers le bureau des méthodes, pour reconcevoir les modes opératoires après. C'est ce que peut-être vous appellerez la dimension plus constructive de l'activité, hein, qui ne s'oppose pas effectivement, comme le dit fort bien Pastré, à la dimension productive. Mais enfin voilà, cette hyper-sollicitation dans certaines périodes, mais il y a aussi dans d'autres périodes autre chose qui se passe. Alors ça, ce que je viens de dire sur la confection, j'avais écrit un article là-dessus, sur la compétence en confection, c'est aussi ce qu'écrit le centre de gestion scientifique de l'École des mines de Paris, auquel je suis, dont je suis chercheur associé, à propos des activités de conception. Il parle d'activités, il parle d'une intensité métabolique du travail. C'est-à-dire que les sources de valeur se situent non pas dans la performance intrinsèque de chaque personne, de chaque entité ou de chaque fonction, mais aux interfaces, dans les interactions et dans les synergies. Et ce qu'il développe, c'est que l'intensité métabolique est le propre de la conception intensive dans laquelle nous sommes actuellement, comme de la fabrication innovante dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire quand on renouvelle les produits, et bien à chaque fois, il faut reconcevoir, repartir, faire toute la chaîne recherche, développement, prototype, fabrication, grande série, réseaux commerciaux, etc. Toute la chaîne est reprise. Et donc là, il se passe quelque chose qui est un travail qui n'est pas celui de la routine. Donc, si vous voulez, en fabrication innovante comme en conception, on a effectivement ce mixte aujourd'hui entre les intensités industrielles classiques et une autre forme d'intensité. Alors, il y a un troisième type d'intensité qui se développe aujourd'hui, qui est l'intensité des relations. Effectivement, comme l'a laissé entendre Gérard Delacour, moi je suis très très choqué et gêné par la façon dont on présente la souffrance au travail, etc. C'est-à-dire que cette façon de présenter la pression, la contrainte, la domination, la servitude, voire le harcèlement, cette façon de voir la pression verticale, les rapports de concurrence, l'individualisation, tout ça, et je suis très en accord avec Alain Ehrenberg dans la Société du malaise là-dessus, procède d'une vision politique des rapports de pouvoir au travail. Mais dans cette vision politique, il n'y a pas d'activité. Dans cette vision politique, il n'y a pas de défi productif. Dans cette vision politique, le fait de distinguer, comme je viens de le faire, les activités de conception, les activités de service et les activités de fabrication n'existent pas. Ce sont des données de contexte, alors que pour moi, ce sont elles qu'il faut mettre au premier plan. Où est-ce que se sont produits les suicides ? Ils se sont produits là où on est passé d'activités de production à des activités de service où on n'a pas reconverti les gens. Où est-ce que se sont produits les suicides chez Renault ? Ils se sont produits dans des activités d'industrialisation de la conception, pas n'importe où. Et donc, cette espèce de façon voir les rapports de travail comme des rapports de pouvoir fait penser à ce que dit, je cite là encore Alain Ehrenberg, François Furet à propos de la Révolution française, il y avait des adversaires, mais pas d'obstacles. Voilà. Tout serait affaire d'adversaires. Je pense qu'il faut repenser la notion d'intensité au travail en partant de l'activité et pas en partant des rapports de pouvoir. Alors, la relation de service public, elle implique de la coopération. La coopération, c'est très différent de la coordination. La coordination, les rôles sont préparés à l'avance. La coopération, les rôles s'entre-définissent dans l'activité. Ce qui aboutit à quelque chose d'extrêmement important, c'est de dire que les rapports, l'intensité des relations là, cette intensification verticale dont nous parlent les tenants de la souffrance, ignorent à peu près totalement les rapports horizontaux, les rapports latéraux, les rapports entre collègues, les rapports entre collègues des différentes fonctions, etc. Ce qui se tend et ce qui crée du malaise dans les organisations aujourd'hui, ça n'est pas la pression verticale de l'actionnaire dont on nous raconte depuis 70 ans. Je dis bien 70 ans parce qu'au moment des années 30 aussi, on parlait d'une France complètement exsangue du fait de la financiarisation. Alors que le poids du capital financier en France est toujours en décalage, encore dans la crise de 2008, comme il l'était au moment de la crise de 1929. Et donc, on arrête avec ça. Il n'y a pas que ça. Cette pression verticale-là, elle existe, mais ce qui existe surtout, c'est une coopération dans l'activité, dans lequel qui est caractérisée par son indivisibilité. Et quand on parle d'individualisation, évidemment qu'il faut et qu'il y a y compris une demande sociale d'être évalué individuellement. La question, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui les conventions sociales ni les institutions qui permettent de dire la part attribuable à chacun dans une activité indivisible. C'est ça le problème qui est posé. Et le problème dans les organisations, et là où ça fait mal, si je puis dire, c'est justement d'objectiver les contributions de chacun, ce qui était possible dans un mode de production industriel et qui le devient de moins en moins dans un mode de production serviciel. Alors, il y a une coopération là qui échappe assez radicalement, en tout cas, je ne me place pas en didacticien, mais en chercheur, en gestion, au regard de la plupart de mes collègues, en tout cas, qui est la coopération entre l'usager et le professionnel dans le cours de la relation de service elle-même. Et donc là, je parle spécifiquement des services publics. Un service public, c'est pas ce que l'institution définit. Un service public, c'est une effectivité, c'est une institution en acte, en action. Et donc, l'action des agents, ça n'est pas la prestation d'un service, c'est d'abord et avant tout incarner une légitimité et exprimer une autorité telle que le destinataire se conforme à l'action dont on veut qu'elle se réalise. Et donc, c'est rendre l'enfant élève, c'est rendre le citoyen dans la ville à même de mettre ses ordures ménagères dans un récipient de façon à ce que le service nettoiement puisse faire son travail. Rendre un homme citoyen, c'est faire en sorte qu'il aille voter, lui offrir des choix, etc. etc. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement organiser les élections. Et donc, tout service public est une coproduction. Et on oublie complètement cette dimension de la coproduction et de l'intéressement de l'usager, y compris dans l'analyse du travail. Alors, c'est particulièrement le cas pour l'enseignant. Hein. Un enseignant qui déroule son programme sans souci de la façon dont il est reçu, sans souci du fait que les élèves soient absents ou pas, ou absents dans la classe ou absents en n'étant pas en classe, évidemment qu'il y a là un problème. Et je voudrais juste prendre ce problème, et puis je ne sais pas où j'en suis de mon temps, Gérard, tu me diras, 5 minutes, pour dire que pour moi, le cas de l'enseignant est assez typique d'une intensité maïotique du travail. C'est-à-dire que sur un pôle, on imagine un professeur qui déroule un programme sans souci de ce qu'il a en face de lui, qui enseigne à la façon dont il a lui-même appris, qui ne se soucie pas de la diversité des manières d'apprendre et qui cherche effectivement à optimiser les résultats sur lesquels il va être jugé par une inspection académique qui elle-même résonne en termes de discipline. Et puis sur un autre pôle, on a un professeur, je me souviens, j'avais vu à la télé il y a longtemps un type qui disait « Moi, pour entrer dans le programme, il me faut à peu près la moitié de l'année avec mes élèves. » Et donc, lui, il travaille à poser une équation complexe entre les connaissances à faire acquérir, le public auquel il s'agit de transmettre, qui est composé d'individus qui sont très divers, et puis comment il va faire advenir un désir d'apprendre et de connaître, etc. Et puis, quand tout ça se rassemble peu à peu, à ce moment-là, il fait se révéler des attentes, et puis il apporte des éléments de connaissance. Ça nous rappelle des choses, Gérard. Moi, je ne suis pas didacticien, mais pour moi, ce cas de figure-là, cette polarité entre la prestation d'un service versus l'interaction constructive, c'est un cas de figure d'une relation de service où se joue en permanence un équilibre qu'il faut trouver entre l'offre et la demande, entre le programme défini à l'avance et l'activité qui est non programmée, entre prestations codifiées et ajustements mutuels, et finalement une activité dans laquelle les parties doivent être toutes les deux prescriptrices, et dans lequel, y compris, il faut donner à l'enfant, à ses parents, etc., les moyens d'être prescripteur, c'est-à-dire le moyen d'exprimer son attente par rapport au service public lui-même, par rapport à l'enseignement, par rapport à d'autres biens publics. Et donc, moi, j'appelle ça une intensité de type maïeutique. Et je dis, alors, ce serait à ce moment-là le moment du développement que je peux apporter là-dessus, c'est que les conditions institutionnelles, organisationnelles, gestionnaires et politiques, depuis un certain nombre d'années, sont très défavorables à la professionnalisation des ajustements mutuels, à l'explicitation des prescriptions, à la confrontation, au conflit, au fait de poser et de dénouer les conflits de prescription, et finalement à la constitution d'une expérience commune des professionnels et des usagers pour poser ces questions-là. Et du même coup, comme on ne sait pas poser ces questions dans l'activité, on ne sait pas, on ne peut pas, on ne veut pas, on ne pose pas ces questions dans l'activité, ben, les conflits, ils montent en généralité. Ils montent en généralité, et c'est donc ce que j'ai écrit dans un bouquin de 2008 à propos de la violence dans les services publics, c'est que tant qu'on n'est pas capable de gérer dans l'activité, de descendre en singularité des problèmes qui sont posés, ben, on monte en généralité. Et monter en généralité, ben, ça veut dire effectivement que lorsque les problèmes ne sont pas élaborés dans le groupe professionnel, lorsque le New Public Management passe avec ses prescriptions d'objectifs, lorsque l'évaluation effectivement tient compte de résultats à atteindre et pas des apprentissages que les gens font, hein, l'effet Topaz dont parle Pierre Pastré. Donc les gens ont réussi la tâche, mais l'appropriation, l'apprentissage est manqué. Tant qu'on est là-dedans, alors à ce moment-là, les désaccords, les conflits de prescription remontent en incivilité, remontent en tension, remontent en relations clients-fournisseurs qui se tendent, remontent dans cette espèce de débilité bien française dans laquelle on dit d'un côté on est otage des services publics qui définissent la prescription, etc., versus il faudrait que ce soit des clients qui disent ce que le service qui est à rendre à chacun. Et donc il faut sortir de ça, et pour sortir de ça, il faut effectivement offrir des ressources argumentatives aux parties prenantes à la relation de service public, des occasions d'explicitation non seulement aux parties prenantes immédiates, mais aux gens qui sont autour, aux gens qui sont autour des personnes âgées, aux parents qui sont autour des enfants, le faire en groupe, etc. Moi, j'ai fait des tables rondes sur les professionnels de l'enfance et la perception qu'ils avaient des besoins des enfants face aux enfants eux-mêmes et face aux parents à l'occasion du montage des bureaux des temps à Paris. Voilà, donc, si vous voulez, il y a tout ce travail de traduction qui passe effectivement par des pontages entre le profane, le spécialiste, etc., donc des traductions, afin d'arriver à des délibérations et afin d'arriver à des arbitrages. Et le pouvoir d'arbitrage est justement le pouvoir d'institution du service public. Voilà. Donc moi, je crois que le déficit de professionnalité actuellement, dans les services publics, mais plus généralement dans les activités de service dans lesquelles il n'y a pas cette prescription mutuelle, c'est l'antichambre de l'essentialisation des individus, parce qu'on dit les gens, ils sont comme ça, on ne peut pas les changer. Mais évidemment, on ne leur a pas demandé. Donc on ne sait pas ce que sont leurs attentes et on voudrait leur livrer quelque chose. Le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale sur l'école primaire est fantastique, sur la maternelle est fantastique de ce point de vue. Les enfants, ils répondent à des questions qu'on leur pose, mais dès qu'ils voudraient partir ailleurs, on dit que ce n'est plus le sujet. Donc c'est l'antichambre de l'essentialisation des individus et c'est l'antichambre de la judiciarisation des comportements. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de pleurnicher sur la souffrance dans les organisations et qu'on remette de l'institution dans l'organisation. Merci. Alors la parole est maintenant à Frédéric Mispelblom, Bayer. Alors je vous dis tout de suite que c'est le premier PowerPoint de ma vie. Parce que je n'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça. La plupart du temps, quand je fais une conférence, je fais une version papier. Ça fait généralement un recto verso qui se termine par une bibliographie et que je distribue aux gens qui sont dans la salle. Mais j'ai compris que la distribution dans cette salle est excessivement compliquée. Et donc, j'ai fait un PowerPoint qui doit certainement avoir des défauts de jeunesse. Mais du coup, mon environnement ergonomique est aussi légèrement perturbé. Je commence juste par commenter le titre et ensuite... Je vous dis un petit peu plus sur quoi je travaille, parce que c'est de ce travail que ce que je vais vous présenter est le résultat. J'en ai bavé, c'est moi aussi, mais c'est l'extrait d'un entretien avec une cadre dirigeante. Et disons, l'essentiel de mon propos consistera à dire que toutes les souffrances ne sont pas vécues comme des souffrances. Qu'il y a dans la souffrance de la fierté, et en l'occurrence, j'en ai bavé, ce n'était pas une plainte, mais un titre de gloire. Pour ce qui me concerne, c'est plutôt au présent. Je ne parle pas de maintenant, mais en ce moment, dans mon université, j'en bave pas mal. Et donc, sur quoi je travaille, donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'à l'Université d'Évry, on a créé une petite équipe qui s'appelle donc Centre de recherche sur la formation de celui du CNAM, dont c'est une composante qui s'appelle donc Enseigner, Transmettre et Encadrer. Bon, moi, je le prononce toujours ET, parce que, comme pas loin de nous se trouve l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui a un laboratoire qui s'appelle Printemps, nous, c'est été. Bon. Et donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on travaille, et donc moi en particulier, je travaille, sur l'activité d'encadrement et sur le rapport réciproque entre encadrer et enseigner. C'est-à-dire, je travaille à partir de l'idée que dans l'activité d'encadrement, il y a des dimensions d'enseignement structurantes et fondatrices. D'une part, ça je ne m'étalerai pas là-dessus, parce que je pense qu'on est toujours formé, même mal, pour encadrer, même si on n'a pas reçu de formation ad hoc, on pourra en discuter. Mais surtout parce que, et ça c'est une découverte d'une recherche récente dont je vais donc surtout parler, parce que j'ai découvert qu'en fait, encadrer est un processus d'apprentissage continu. Et dans cette activité d'apprentissage continu, et donc là se rejoint toute une série de travaux de Pierre Pastré sur apprendre des situations, et ça pose la question effectivement, comment dans cet apprentissage continu, on apprend bien quelque chose au sens où ça a lieu, ça donne lieu à des petits déplacements de pensée, comme le dit souvent Jean-Marie Barbier, mais où ça donne lieu aussi à des transformations d'activité, et effectivement, ça passe par des dispositifs de mise à distance, par des formations supplémentaires, ça passe souvent par de l'écrit, par la rédaction de mémoire ou d'autres choses de cet ordre-là. Donc, apprentissage continu, ce qui d'ailleurs sur ce plan-là, c'est aussi un point commun avec l'activité d'enseignement, parce que comme chacun qui enseigne le sait, celui qui apprend le plus en enseignant, c'est l'enseignant, ce n'est pas les élèves. Et donc, une autre dimension de cette activité d'enseignement de l'encadrement, c'est que les encadrants apprennent aussi des choses, ils donnent des leçons de vie aux membres de leurs équipes, ils leur disent comment se conduire, ils leur donnent le mode d'emploi de l'entreprise, de la hiérarchie, etc., etc. Donc ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, je m'étalerai moins là-dessus, c'est que je travaille sur la dimension encadrement dans l'enseignement. Donc tout ce qui relève de la discipline, de la mise en place des conditions dans l'enseignement, des conditions matérielles dans lesquelles on enseigne, la préparation des cours, le recrutement des étudiants, etc. Donc ce sont ça les deux pôles sur lesquels je travaille. Et dans, avec cette petite équipe, donc, nous avons des séminaires de recherche. Et puis le 21 juin, nous organisons une journée d'études organisées par Lynn Numa-Bocage, ici présente, sur apprentissage formel et informel dans les secteurs de l'enseignement et les secteurs de la santé. Bon, et pour résumer mes travaux sur l'activité d'encadrement, donc, qui ont donné lieu à un livre qui explique entre autres pourquoi vous avez mentionné le nom de Freud sur la première planche. Hein, ce livre s'appelle « Encadrer un métier impossible ». Et c'est un livre très étrange parce que, bien que basé exclusivement sur des exemples d'entreprise, donc d'encadrement dans l'entreprise, il est très lu dans tous les secteurs qui ne veulent pas être traités comme des entreprises. Donc le secteur social, le secteur de la santé, les établissements scolaires, puisque j'ai fait aussi ces derniers temps des conférences pour des chefs d'établissement. Et en gros, pour résumer, j'essaie de développer une approche non managériale de l'activité de direction et d'encadrement. Et donc cette recherche dont je vais vous parler a une particularité. Et c'est de là que vient le titre. C'est que j'ai interviewé à peu près une trentaine de cadres et de cadres dirigeants qui avaient, de toutes sortes de secteurs, il y en a qui travaillaient en usine, d'autres dans des services, d'autres dans l'enseignement, la santé ou autre. Et d'une part, j'ai découvert que les invariants de l'activité d'encadrement l'emportent très largement sur les spécificités du secteur. Mais l'échantillon, et certainement il doit y avoir des biais dans la façon dont cet échantillon a été recruté, avait cette caractéristique particulière que plus de trois quarts de ces cadres avaient démissionné, alors qu'ils travaillaient la plupart du temps dans des entreprises privées, avaient démissionné de leur entreprise pour des désaccords fondamentaux avec les nouvelles orientations de leur direction générale. Alors, en quoi ça se traduisait ? Ça se traduisait dans le fait, et ça a été cité plusieurs fois ce matin, c'est quand on parle du travail, on parle à la fois de la besogne et de l'œuvre. L'encadrement est par excellence un faiseur d'œuvre, surtout quand il reste longtemps dans un endroit. Faiseur d'œuvre au sens où il met sa marque, il imprime sa marque sur une certaine manière d'encadrer les équipes. Et une des causes premières des démissions de cet encadrement, c'est parce qu'ils savaient que leur œuvre allait être détruite. Une deuxième raison pour ces démissions, c'est que, et là aussi plusieurs d'entre vous ont parlé de ça, c'est qu'ils ont démissionné parce qu'on voulait les transformer en exécutants, en leur donnant, en leur prescrivant leur travail de manière extrêmement détaillée. Mais ce qui était aussi une caractéristique extrêmement intéressante de cet échantillon, ce qui explique pourquoi dans la préface du livre commence par des extraits de l'hymne à la joie de Beethoven, la joie camarade, c'est qu'ils ne se plaignaient pas de leur souffrance. ils en parlaient, ils montraient en quelque sorte plein de cicatrices, mais c'était tout autant de titres de gloire. Et le livre, le sous-titre du livre, donc le titre du livre, ça va être dirigé et encadré autrement, mais le sous-titre qui a un rapport avec la didactique professionnelle pour autant ce que j'ai commencé à en comprendre pendant ces deux jours, c'est le sous-titre, c'est théoriser ses propres stratégies alternatives. Parce que ce que j'ai découvert dans cette affaire, c'est que ces encadrants et ces dirigeants qui étaient, bon, ils avaient 40, 50, 60 ans ou plus, ils avaient fait, soit au cours de leur carrière, soit dès le départ, fait pas mal de formations. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant pour nous de voir, c'est que tous, sans exception, même ceux qui avaient été beaucoup formés à des méthodes et des techniques de management moderne, disaient qu'en fin de compte, ce qui leur servait le plus quotidiennement dans leur travail relationnel avec leurs équipes, avec leur hiérarchie, c'était les humanités apprises à l'université. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement réjouissant. Et donc, pourquoi théoriser ses propres stratégies alternatives? C'est parce qu'effectivement, ils savaient traduire en principe, à la fois en principe d'analyse, de compréhension, et en principe d'action, leurs pratiques, et les illustrer très concrètement avec des exemples précis. Et alors, donc, j'en viens à la première planche, donc j'en ai bavé. Et donc l'idée que je vous suggérais, d'où donc le premier titre, c'est bien fait, hein, parce qu'on n'a pas besoin de tourner la tête. C'est, il n'y a ni mal-être ni bien-être en soi. Hein, on peut dire ça autrement. Toutes les souffrances au travail ne se valent pas. Pour le dire encore autrement, la souffrance des uns n'est pas la souffrance des autres. Quand j'ai vu l'ancien président de la République souffrir pendant l'émission de débat avec le nouveau, je ne l'ai pas plaint. Et donc, je travaille avec cette idée, et c'est d'où la citation de la référence à Freud, c'est que bon, je suis sociologue, personne n'est parfait, mais j'ai aussi pas mal touché à la psychanalyse et j'en ai toujours gardé un concept fondamental avec lequel j'analyse aujourd'hui le travail, les fameux collectifs de travail, les métiers, les professions, qui est celui de sujet divisé. Et moi, je travaille avec l'idée que les sujets sont divisés, mais que les collectifs de travail aussi sont divisés. Et qu'il y a toute une sociologie du travail dite critique qui, d'une manière souvent extrêmement artificielle et illusoire, fait comme si ça allait de soi, alors que créer un collectif et le maintenir, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, qui d'ailleurs donne aussi lieu à des rites d'initiation qui ne sont pas toujours très tendres. Mais ce que j'avais effectivement constaté, et je commençais à constater ça quand je faisais des enquêtes auprès des conducteurs de métro à Paris, j'ai interviewé des centaines de conducteurs pendant qu'ils étaient en train de conduire leur train, donc pendant que moi j'étais à côté d'eux dans la cabine de conduite, c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas tous les mêmes tactiques de travail. Un exemple très frappant que tout un chacun en tant qu'usager peut expérimenter, c'est l'information en cas d'incident. Vous avez en gros 2-3 attitudes très typiquement différentes. Et d'ailleurs, toi, tu l'as cité tout à l'heure avec ton exemple des 2 enseignants. Hein, c'est absolument illusoire de parler de la communauté scientifique ou de la communauté enseignante. C'est aussi illusoire, à mon avis, de parler de l'identité professionnelle, même si c'est un thème qui est beaucoup revenu dans ce colloque, parce qu'effectivement, il y a des divergences d'orientation, et c'est ça le terme que je donne à ça, des divergences d'orientation au travail fondamentales. Le seul chez qui j'ai trouvé un écho très fort de ça et beaucoup de ressemblances, c'est dans les travaux de Yves Swartz. Et donc, je travaille avec ça. Alors, je crois qu'on peut... Donc, je vais faire l'opération qui consiste à appuyer là-dessus, c'est ça ? Voilà, c'est... Voilà, vraiment, c'est magnifique. Voilà, donc voilà, mon idée c'est que effectivement il faut savoir qui souffre de quoi. Je viens d'en parler, la souffrance des uns n'est pas la souffrance des autres. Et je vous propose de passer tout de suite à la troisième planche, qui est d'entrer dans le monde de l'enseignement, parce que nous aussi, nous souffrons au travail. Alors, je n'ai pas appuyé assez fort. Voilà. Voilà, on souffre en bien ou en mal. Effectivement, si je prends ma propre expérience, on a une impression grandissante de mal travailler. Une impression grandissante de mal travailler par une surcharge de travail, de tâches administratives, par des comptes rendus, des évaluations d'ARS en ce qui concerne ma propre équipe. Je crois qu'on va être évalué trois fois en à peine cinq ans. Et préparer une bonne évaluation d'une équipe, ça prend un bon six mois à temps plein avec un certain nombre de collègues. Et encore, c'est plus plaisant et plus agréable et ça va plus vite si effectivement on peut faire ça dans la coopération. On est sans arrêt soumis à des injonctions paradoxales. Parce que d'un côté, il y a une pression accrue sur ce que j'appelle l'académisme pur et dur. C'est ça que j'appelle... nous sommes devenus non plus des enseignants ou des chercheurs, mais des publiants, voire des produisants. Et il y a même des écoles de commerce qui achètent des produisants, qui proposent des primes à des gens qui publient beaucoup, de gens qui venaient chez moi pour rehausser l'image de mon laboratoire. Je vous paye tant à l'article. D'un côté, on a ça, avec des classements de revues extrêmement discutables, qui fait aussi qu'il commence à y avoir une... formatage accru de la manière dont il faut rédiger les articles qui, à mon avis, va complètement à l'encontre de toute créativité. Heureusement que je suis devenu professeur, je vous l'assure, parce que quand on est maître de conf, alors là, on en bave vraiment, parce que les maîtres de conf non seulement sont dépendants des professeurs, mais des revues et du formatage des revues. Et je pense que tout cela va très largement au détriment de l'imagination et de la créativité. Pourquoi je dis heureusement que je suis devenu professeur, et surtout à mon âge, maintenant je m'en fiche. J'écris des livres et là on est moins embêté. Des livres d'ailleurs qui sont de plus en plus, ressemblent de plus en plus à des romans et de moins en moins à des livres académiques. Mais de notre côté, nous avons aussi une injonction à professionnaliser notre enseignement, à professionnaliser les débouchés, à prouver par A plus B que ce que nous faisons, ça ne sert pas à rien, que ça sert à quelque chose en termes d'insertion professionnelle et autres. D'autre part, le milieu universitaire peut être parfois d'une très grande violence, je dirais symbolique, mais si vous prenez symbolique, non pas au sens de 1 franc ou 1 euro symbolique, mais au sens où c'est bien avec la symbolique et avec le moral que nous souffrons, et parfois même ça va jusqu'à des passages à l'acte purement physique, ça arrive aussi, des claques, des choses de cet ordre-là, dans certains milieux qui peuvent devenir très violents, d'autant plus que l'université, et c'est peut-être ça que tu entendais tout à l'heure pour le fait d'introduire de l'institution dans des organisations, que l'université a très peu de véritables instances de régulation pour s'occuper de ce genre de situation. Ah bon, c'est... J'ai 2 minutes. Alors, je crois que je suis presque au bout. Par contre, effectivement, ce qui contrebalance, et c'est là, si vous voulez, donc ça peut être une bonne conclusion, c'est qu'est-ce qui fait que malgré ça, en ce qui me concerne, effectivement, je dors très très très mal, je suis au bord du burn-out, je suis presque tout le jour, je me dis que je vais démissionner, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on tient ? Qu'est-ce qui fait qu'on tient ? Effectivement, on peut tenir quand on a des projets, et quand on a des projets collectifs avec quelques collègues avec lesquels on travaille effectivement très étroitement ensemble, à ce moment-là, on a non seulement des raisons de croire, mais on a des raisons d'agir. En ce qui me concerne, je conclurai là-dessus tout en vous montrant la dernière planche qui présente la bibliographie, c'est que j'ai été élu directeur des départements administration économique et sociale de mon université. Bon, vous connaissez un peu la réputation de ce genre de département qui est souvent considéré comme la poubelle de l'université. J'ai compris au bout de 3 ans de tentatives de transformation de ce département que notre stratégie avait été tout simplement de faire en sorte de sortir les étudiants de l'AES de la poubelle en créant de la recherche, en créant de la cohésion, en créant des délégués étudiants et toute une série d'autres choses de ce type-là. Et donc, on va faire un saut. Voilà, donc là, vous avez la bibliographie et je vous invite, si vous me le permettez, monsieur le médiateur, de vous renvoyer à la dernière ligne qui indique donc le site web sur lequel, et là ce que je fais maintenant, ça s'appelle du teasing, hein, c'est où se trouve le dernier chapitre de mon nouveau livre, qui n'est pas encore sorti, qui sortira au mois d'août, sur les principes des stratégies alternatives d'encadrement et de direction, non pas telles que moi je les ai inventées, mais telles que les personnes que j'ai interviewées les ont systématisées. Voilà, merci. Alors, j'ai entendu un certain nombre de mots significatifs comme relation, coopération, dans la création notamment, formation, éducation, etc. Le sujet divisé. Alors, j'ai envie de réagir rapidement à cela et puis de donner peut-être un exemple des moyens techniques par lesquels, dans une entreprise, on peut éventuellement ne pas tenir compte des problèmes de formation et d'acculturation qui sont nécessaires. Alors, le sujet divisé, il ne faut pas s'y tromper, c'est le sujet aliéné. Hein. Alors, ça nous renvoie à Karl Marx, même si l'aliénation d'aujourd'hui est différente de celle que Marx avait dénoncée. Et en fait, il y a une injonction paradoxale, je reprends les termes de mon ami Frédéric, pour dire que dans une entreprise, et j'ai travaillé avec certaines entreprises, on peut très bien entendre les deux choses à la fois. Hein. Il faut des résultats, il faut des règles, des normes. On vous encadre avec des obligations de résultats, avec des obligations, avec un assujettissement à des normes, alors qu'on sait très bien que de l'autre côté, l'entreprise souhaite plus de créativité de la part des personnels qui sont là, puisqu'à tous les niveaux, les gens ont à résoudre des problèmes qui ne sont pas ceux qu'un mécanisme normal aurait pu résoudre. On demande toujours plus de créativité et d'intelligence à tout le monde et à tous les niveaux, et pas seulement aux managers. Et moi, je connais des entreprises qui ont fait un plan social, ou qui en étaient même à leur troisième plan social, faute d'avoir su reconnaître la créativité, la compétence qu'il y avait dans les différents services sur lesquels elle pouvait s'appuyer. Alors, je voulais juste simplement donner un exemple. Hein. On sait que la formation, l'éducation, d'une manière générale, sont considérées comme un coût et non pas comme un investissement. Ça, c'est un premier problème énorme. Est-ce que la société sait calculer ? Et parfois, alors, on dit les entreprises savent calculer. La preuve, c'est qu'elles ont des instruments comptables, la comptabilité analytique, par exemple, pour justement calculer, et calculer au mieux. Alors, je vais vous donner un exemple dans lequel la comptabilité analytique se retourne contre la demande, contre cette injonction possible de plus grande capitalisation des compétences. Il s'agit de l'aérospatiale, rien que ça. Hein. Le département de conception, où on a développer Ariane 4, Ariane 5, etc. Il se trouve que j'ai été invité à regarder un peu les guides méthodologiques que les experts étaient censés écrire pour mettre noir sur blanc les choses qu'ils avaient apprises au cours de leur expérience, qui n'étaient pas dans les traités qu'ils avaient sur leurs étagères, ni dans les rapports après une étude, dans les rapports des études qu'ils avaient faites, mais qui étaient qu'est-ce que j'ai appris au cours de mes 12 ou 15 ans d'expérience, puisque tout le monde ne devient pas expert, même sortant de Polytechnique ou de super-héros, un ingénieur de conception ne devient pas nécessairement expert. Alors, une des fonctions de ces guides méthodologiques, c'était de permettre à l'entreprise de négocier avec les entreprises partenaires, françaises ou étrangères, pour savoir ce qu'apportait chacune sur la compétence collective d'une alliance, par exemple, avec une entreprise espagnole, anglaise, allemande ou italienne, à l'époque. Et puis, il y avait aussi la transmission aux jeunes ingénieurs. Et en interrogeant les jeunes ingénieurs, on s'est aperçu qu'ils n'utilisaient pas les guides méthodologiques. De leur côté, les experts n'étaient pas capables de mettre en mots les compétences qu'ils utilisaient dans l'action. Enfin, du moins, ils le mettaient en mots de manière très partielle. Par exemple, ils restituaient une vision relativement linéaire de leur savoir-faire et de leurs compétences. On fait ceci, puis cela, puis cela. Et ils gommaient complètement, par exemple, les raisonnements conditionnels qui font partie de leurs compétences. Alors, j'en viens à mon exemple. La comptabilité analytique dans l'entreprise aérospatiale à cette époque conduisait les gens à dire... Combien de temps, vous, monsieur l'expert, vous avez consacré à discuter avec tel ingénieur débutant? Et vous, monsieur l'ingénieur débutant, combien de temps avez-vous passé avec tel ingénieur expert? Et on comptabilisait la transmission de la culture des ingénieurs de conception avec cette comptabilité analytique. Donc, il y a quelque chose vraiment à revoir, y compris dans le détail des formes d'évaluation des coûts et des prix de revient, etc. Vraiment. Et c'est à l'échelle de la société tout entière que c'est le plus visible. Mais je voulais donner cet exemple parce que dans une société aujourd'hui, la comptabilité analytique est absolument essentielle. Voilà. Alors maintenant, je voudrais juste demander à nos interlocuteurs s'ils ont quelque chose à ajouter sur ces questions de coûts relatifs et de bénéfices perdus par un certain nombre d'opérations qui sont menées aujourd'hui, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Et sinon, je passe la parole à la salle pour une dernière discussion. Il faut dire qu'on arrive à peu près... Oui, on a encore 10 minutes. Je veux juste dire un mot. Dans les années 20-30, lorsque le taylorisme s'introduit en France, il y a 30 années de conflits, un quart de siècle de conflits très très durs sur l'implantation de modes opératoires dans le travail ouvrier. Je pense qu'on est dans la période dans laquelle on formalise aujourd'hui des objectifs, des résultats, etc., et que il y a une bagarre qui se mène dans les entreprises qui est de même ampleur. Autre remarque ? Dans un des entretiens que j'ai mené pour le nouveau bouquin, il y a un entretien avec un directeur d'une agence bancaire qui vient de France, qui est dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, c'est un pays où l'Église catholique est encore extrêmement puissante. Et ce qui est extrêmement intéressant de découvrir, c'est contrairement à tout ce qui se dit aujourd'hui sur la finance financière, comme s'il n'y avait que de la finance dans la finance, c'est de voir que, y compris au sein du système bancaire, et là, en l'occurrence, en France, ça va se passer autrement, mais là, quels étaient les critères de confiance pour donner des prêts à des gens, à des entreprises, etc. C'était l'avis du curé. Et donc, au cœur des pratiques financières, vous avez les croyances religieuses. Moi, je dirais que si on croit aujourd'hui encore que la maïeutique, ça a une quelconque signification, comme dans le Ménon, par exemple, avec les rapports entre Socrate et le petit esclave, ça veut dire qu'on accepte aujourd'hui l'idée de procéder par question. Et le pédagogue et le didacticien doivent procéder par questions. Donc déjà, il faut qu'il apprenne à le faire. Je crois que c'est totalement antinomique avec tout le système de management sous toutes ses formes, entreprises, institutions, écoles, etc., qui est en place. Bien. Alors, question de la salle, remarque. Simplement, je ne vous vois pas bien. Et donc, si vous ne vous manifestez pas bruyamment, je risque de vous rater. Alors. Allons, que les mains se lèvent. Le micro, il est là. Ah oui, pardon. Faites le travail parce que moi, je ne vois pas bien d'ici. Voilà. Isabelle Vinatier, ce matin, a parlé de l'importance de la première expérience. Je crois que c'était elle qui l'a dit. Et il se trouve que je suis directeur d'une formation au management en alternance, enfin du moins de la filière apprentissage. Et c'est un terrain d'observation extraordinaire pour voir comment les jeunes apprennent le management et ce qu'ils retiennent et ce qu'ils vivent de cette première expérience en entreprise puisqu'ils alternent. Et depuis 3 ans, j'ai à peu près une ou deux fois par an sur une promotion d'une centaine d'apprentis un cas de harcèlement grave. Cette année, l'apprenti en question m'a dit « Madame, je voudrais témoigner devant mes camarades ». Donc on a organisé avec un collègue une séance d'une heure avec un collègue qui a une formation clinique pour revenir sur son expérience. Et en fait, je me suis aperçue en discutant avec mes apprentis, en travaillant avec eux sur ce qu'ils vivent, que leurs managers eux-mêmes sont très mal. Et j'ai rencontré les maîtres d'apprentissage, je les rencontre 2 ou 3 fois par an lors de réunions, et je me suis aperçue que cette pression qu'ils font subir à leurs apprentis, évidemment, l'expression de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Hein, Donc moi, je me posais une question par rapport justement à cette entrée dans le métier et à cet accompagnement que j'ai la chance de pouvoir faire parce que j'ai un public en apprentissage et qui n'est pas toujours fait, je pense, par ailleurs. Et je me dis quelle réponse on peut apporter, nous, formateur à ce niveau-là, et qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, je vais faire dire deux choses. La première, c'est que effectivement, j'ai un collègue qui fait de l'expertise dans l'entreprise dans des situations où les comités d'entreprise demandent qu'il y ait une expertise parce qu'ils disent qu'il y a des risques psychosociaux, etc. Il y a, chaque fois que je vais dans ces entreprises, dans mon bureau, j'ai des managers qui se mettent à pleurer. Effectivement, si vous voulez, tout à l'heure, je parlais du fait que encadrer est un processus d'apprentissage continu. Mais j'ai tout de suite ajouté, suite à ce qu'a écrit Pierre Pastret, que ça ne va pas de soi, ce n'est pas automatique. Il y a aussi de la répétition. Et je crois que l'un des grands problèmes de la plupart de ces managers, c'est qu'ils n'ont pas d'espace pour faire de la distance. Bon. Et justement, ceux qu'on a rencontrés, effectivement, par X biais, ils en avaient eu un. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est effectivement la manière, parce que dans notre université, on a aussi des filières, on n'a que des filières professionnelles et professionnalisantes, il y a aussi de l'apprentissage. Et j'ai fait un travail, d'ailleurs Lynn Numa Bocage aussi, avec des jeunes qui vont faire des stages, etc. Mais ce que je fais toujours en premier quand ils arrivent au Master 1, c'est que je leur demande de faire la liste de tous les petits boulots qu'ils ont pu faire et que souvent, qui souvent ne figurent pas sur le CV parce qu'une partie d'entre eux, ils pensent que ce n'est pas très glorieux et que ce n'est pas très intéressant. Et je leur donne une grille de lecture pour notamment faire ressortir de ces expériences de travail les mots au travail qui les avaient le plus frappés et pour décrire à la fois comment ils étaient encadrés, et parfois d'ailleurs certains d'entre eux ont été en situation d'encadrement officieuse. Et c'est une manière, si vous voulez, de prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par leur apprendre les méthodes et techniques sur comment il faudrait faire, c'est leur donner des grilles de lecture faisant ressortir comment ils avaient fait déjà. Oui, bon, c'est vrai que sur 43 ans, moi aussi, j'ai fait quoi, 32 ans dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que moi, je me dis, je suis témoin de cette souffrance à tous les niveaux. Donc, c'est vrai que quand on parle du fait qu'il n'y a pas qu'un poids vertical et que ce n'est pas le méchant patron avec le gentil salarié qui souffre, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Cependant, et ce n'est pas seulement, c'est pas un problème non plus contemporain, uniquement lié politiquement à l'hyperlibéralisme. Ce n'est pas du tout, enfin, en tout cas, c'est pas le sens de ce que je disais tout à l'heure. En revanche, quand par exemple, je vais donner un exemple très court, j'ai eu affaire à une situation emblématique, situation de un centre de formation où il faut que des enseignants en peinture, c'est-à-dire en barbouille, de HLM forment des jeunes qui n'avaient jamais tenu un pinceau, c'est-à-dire une brosse. D'ailleurs, quand on leur dit brosse, ils savent pas que c'est un pinceau. Et ils se balancent les pots de peinture à la figure et à la figure du prof, qui pleure. Moi, j'interviens dans cette histoire. Je vous passe bien sûr les détails. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse peut-être, d'ailleurs, partie de réponse à la question qui est posée tout à l'heure. Eh bien, moi, à l'époque, j'ai testé d'ailleurs ces méthodes il y a très longtemps. C'était en 1976. On prend des caméras vidéo de l'époque et on dit aux jeunes, allez-y, vous allez filmer des situations réelles. Trouvez-vous un bon compagnon quelque part, allez le filmer et après on va venir en discuter. Ce que j'ai trouvé, moi, à l'époque, comme réponse pratico-pratique, bête, au niveau du terrain. Heureusement que le chef d'entreprise, dont j'avais l'oreille, parce qu'il appartenait au centre des jeunes dirigeants d'entreprise, qui était en bis-bis d'ailleurs avec le CNPF de l'époque, qui jamais n'aurait accepté l'intervention d'un consultant, d'un formateur comme j'étais, pour des raisons idéologiques, hein, parce qu'on aurait dit, ah, il veut donner la parole à des mecs qui sont complètement ignorants, hein, qui ne savent même pas ce que c'est que le boulot, et on les fait filmer, ils vont rigoler, etc., etc. C'est un rouge qu'on a introduit dans le système. Bon, surtout qu'on n'est pas loin de 68. Hein. Bon, donc moi je peux, voilà, je suis témoin de ça. On a réussi cette opération, et bien d'autres, que je suis en train d'écrire aussi. Mais on a réussi ces opérations grâce au fait qu'on a donné la parole. Quand je vous dis la maïeutique, et Gainsbourger parle de maïeutique, mais moi, je veux vous parler de maïeutique concrètement. Un manuel de formation à la maïeutique. Parce que sinon, c'est du baratin. D'accord ? Donc, il y a des solutions extrêmement pratiques, simples, à base d'ailleurs de nouvelles technologies. Une caméra aujourd'hui, regardez la taille de celle-là par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Sur une carte comme ça, dans 5 minutes, il la met dans l'ordinateur, il la projette au monde entier s'il le veut. Utilisez une nouvelle technologie et faites-le pour faire parler effectivement ce que moi j'appelle les ignorants et qui savent exactement, eux, ce dont ils ont besoin. Alors là, c'est un travail d'accoucheur que nous avons à faire, nous. Oui, je voudrais reprendre... Moi, je ne sais pas s'il y a un manuel de formation à la maïeutique, mais je crois qu'il y a des groupes, des communautés de pratique qui permettent justement d'avoir une activité de type maïeutique et justement de... C'est-à-dire que pour que la prescription mutuelle soit possible, il faut que le groupe professionnel soutienne les individus. Ce n'est pas des communautés de statut qui permettent ça, c'est des communautés d'expériences vivantes et de retour d'expérience permanent. Alors maintenant, je veux revenir sur l'histoire du harcèlement. Moi, là encore, c'est un mot qui me fout des boutons, parce qu'on introduit, là encore, un rapport de type politique dans l'activité. Oui, effectivement, on est dans une période transitoire dans laquelle l'évaluation des résultats, enfin de l'atteinte d'objectifs, l'évaluation de résultats, a pris la forme de l'imposition du mode opératoire d'hier. Alors, c'est le passage de la société disciplinaire, le panoptique de Bentham, où dans le travail taylorien, on regardait d'en haut. Hein, et puis, là, maintenant, on regarde à longue distance. Et donc, pour diriger à longue distance, on n'a rien trouvé mieux que de mettre des chiffres. Voilà. Et si vous voulez, chez Renault, qu'est-ce qu'on me dit sur... Je repense à des discussions avec des ingénieurs chez Renault. Ils commencent à nous gonfler avec leurs indicateurs. Vous savez comment on les appelle, les indicateurs? Maintenant, on les appelle les indicateurs pastèques. Ils sont tout rouges. Ils sont tout verts à l'extérieur, mais en fait, ils sont tout rouges à l'intérieur. Les gens, ils jouent avec les indicateurs. Un dirigeant, il joue avec les indicateurs. Enfin, ça fait 20 ans de recherche du centre de gestion scientifique des mines auquel je suis associé pour montrer que les indicateurs, je veux dire, il y a un jeu autour des indicateurs. Le problème, c'est quand on n'a pas de pouvoir sur les indicateurs. Le problème, c'est quand on pense qu'il faut agir à la façon dont on est évalué. Et ça, là, en face, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'autonomie. Et donc, construire l'autonomie des acteurs, ça relève en grande partie du groupe professionnel qui permet à chacun, justement, de gagner son autonomie. Donc, si vous voulez, je crois qu'on est dans une période dans laquelle il y a effectivement des nouvelles techniques de gouvernementalité, mais il faut arriver à mettre de la distance, sachant qu'effectivement, ces techniques de gouvernementalité ont des effets non seulement sur les gens qui travaillent, mais sur les interactions entre les gens qui travaillent et puis les destinataires de leur action. J'avais prévu, mais je ne vais sûrement pas le faire, mais de parler d'une histoire de violence dans un centre de loisirs. Hein, et donc entre la directrice qui dit « il y a des enfants violents » et puis en fait qui crée les conditions pour que, déjà, elle est dans une profession autoréalisatrice. Et puis celle qui s'appuie sur le groupe professionnel et qui dit « dans mon école, il n'y a pas d'enfants violents ». On refuse a priori. Et on refuse la souffrance. Si l'éducateur se sent blessé, c'est son problème. Ce n'est pas parce que les enfants ont des comportements blessants qu'il faut que l'éducateur se sente blessé. Sa distance professionnelle, ce n'est pas se sentir blessé par les actes blessants. Et donc, on a besoin du groupe à ce moment-là pour considérer non pas que les enfants sont violents, mais qu'il y a des actes qui sont porteurs de violence. Et ces actes, il faut les traquer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est là qu'il y a une professionnalisation, à proprement parler, faire rentrer dans le professionnel quelque chose qui est vécu aujourd'hui dans l'ordre du personnel. Et je pense que c'est le plus gros problème de la période actuelle, c'est qu'on est dans une déprofessionnalisation des métiers, on est dans des communautés de statut et pas dans des communautés d'expérience, et effectivement, il ne faut pas s'étonner que les outils de gestion aient le poids qu'ils ont aujourd'hui, et moi je pense que dire ça, c'est dire qu'il faut réalimenter la critique de la gestion, pas critiquer les instruments, je veux dire les instruments ils sont ce qu'ils sont, mais critiquer la façon dont on s'y conforme parce qu'il n'y a pas le groupe pour permettre à l'individu de résister à la pression des instruments. Une phrase pour la dame. Une phrase. Hein? Oui, c'est à propos de votre question, madame. C'est vous qui pouvez créer cet espace si vous créez un réseau de tuteurs. Juste un mot pour donner un exemple positif. Au CNRS, où le problème de la transmission des compétences se posait, d'ailleurs davantage pour les ingénieurs et les techniciens et les administratifs que pour les chercheurs qui avaient au moins une communauté scientifique avec des colloques et où ils se réunissaient, il se trouve que les électroniciens recrutés au CNRS, qui ont la même formation au départ, s'ils sont employés dans une unité d'électrotechnique, d'électronique, dans un laboratoire de physique nucléaire, dans un laboratoire de sciences de la vie ou dans un laboratoire de linguistique, après 5 ans, ils ne font plus le même métier et ils n'ont plus les mêmes connaissances. Ils avaient pris en charge eux-mêmes une école d'été qui se réunissait en Corse, quand même dans un lieu agréable, hein, où les uns et les autres se transmettaient les découvertes qui avaient été faites, les connaissances nouvelles qu'il fallait, etc. En d'autres termes, la question de la formation, ce n'est pas une formation dans un seul sens, c'est une formation de communauté, et en particulier dans le travail. Voilà. C'est ma conclusion, je vais terminer. Merci. Alors, c'est des ateliers maintenant, c'est un compte-rendu d'atelier. C'est une synthèse. Ah oui. Si. Les bibliographies des conférenciers sont à disposition sur les sites de l'association et du CREN dans les 10 jours qui viennent. Vous aurez une page après colloque vous le savez déjà avec les actes, mais aussi avec les bibliographies. Là, il y en a une de plus. Ah, bah voilà, je vais faire jaune. Par contre, je connais pas le nom, en fait. Ah, ça, c'est moi. Voilà. Je vais laisser les mettre. Delphine. Delphine, voilà. Et Marie-Paul est là-bas. Marie-Paul, ça va, je le connais. Mais... Voilà. Alors, ça y est, c'est le dernier thème que nous allons aborder en fin de colloque. Ce n'est pas la meilleure place, d'autant plus que, en tout cas pour nous deux au moins, c'est une première. Donc je partage tout à fait la remarque d'Isabelle ce matin en entrée de journée. C'est vraiment une tâche qu'on s'est donnée dans le comité qui est très compliquée. Alors nous, comme on trouvait que ce n'était pas assez compliqué, on s'est mis à trois pour faire la synthèse, tant qu'à faire, on va compliquer un peu plus la situation. Donc en fait, nous étions quatre dans ce thème, le thème 3, qui avait pour titre « Interaction, recherche et formation », alors qui s'est beaucoup finalement transformé en « relation entre recherche et formation », entre « liens », entre « recherche et formation », entre « articulation », entre « recherche et formation ». Mais je pense que ça vaut le coup quand même de revenir sur l'idée de « interaction entre recherche et formation », parce que ça portait quand même une certaine conception de la problématique de ce thème. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, donc, au niveau de la thématique, nous avions posé en fait un texte de cadrage dont nous avons extrait quelques paragraphes. La question de l'articulation entre recherche et formation est récurrente dans les institutions qui visent le développement et la transmission des savoirs professionnels. Ça, je pense que ça fait consensus. Qu'en est-il des dispositifs de recherche et ou de formation du point de vue de l'articulation visée ? Alors ça, c'était le texte de cadrage qui a mené finalement à s'interroger dans le paragraphe qu'on a pris suivant, qui a mené à distinguer justement ces notions d'articulation, de lien ou d'interaction. On peut avoir une conception de la recherche qui alimenterait la formation à celle où les besoins... D'une conception de la recherche qui alimenterait la formation à celle où les besoins de formation questionneraient la recherche. Là, on est plutôt dans un domaine d'articulation, en passant par des dispositifs où recherche et formation seraient conçus dans un même temps. Et c'est en tout cas, de mon point de vue, ce qui mériterait d'être questionné en termes d'interaction entre chercheurs et professionnels et entre recherche et formation. Donc nous avons eu sur ce thème 15 dispositifs présentés, en réalité 15 contributions, parce qu'il y a des contributions qui portaient sur des dispositifs, au moins deux sur le même dispositif. majoritairement dans le champ de la formation des enseignants, initiale ou continue. Donc on rejoint, je pense, les remarques qui ont été faites précédemment sur... Alors je ne sais pas, moi je ne me permettrai pas, je ne m'autoriserai pas à parler de glissement de la didactique professionnelle, hein, je ne me sens pas du tout autorisée. Mais ce que je pourrais dire par contre, venant de la formation des enseignants, c'est qu'il y a une vision de la didactique professionnelle comme ressource possible à cette question récurrente, j'ai envie de dire, c'est le serpent de mer, hein, ça fait pas mal de temps que je suis dans la formation des enseignants, le fameux serpent de mer de l'articulation théorie-pratique. Donc voilà, et je pense que là, c'est une ressource qui est convoquée à ce titre. Nous avions deux contributions dans le champ du conseil agricole. Une dans le champ de la santé, sur la formation des infirmiers, une dans le champ du sport professionnel, sur la formation des entraîneurs de rugby. Donc vous voyez, c'était quand même, il y avait autre chose que des enseignants, et du coup ça nous a permis de poser la question justement de la spécificité de l'activité enseignante. Marianne Cerf nous avait posé cette question dans l'atelier 1, question que nous avons en fait pas vraiment traitée, mais qui méritera aussi d'être traitée en termes de spécificité. Je pense que Pierre Pastré, au niveau de la didactique professionnelle, s'est interrogé à un moment donné en disant mais finalement au niveau de l'activité enseignante, nous on a élaboré ça dans des contextes qui étaient autres et donc on s'interroge aussi sur cette transposition. Donc trois ateliers, merci à Marianne Cerf, à Grégory Munoz et à Catherine Delgoulet pour les responsabilités des ateliers, ils ont assuré leur rôle vraiment avec brio, avec des questions qui ont été données en amont des ateliers, qui ont permis en fait de finalement dans un format qui n'était pas facile à quand même animer des débats. Et merci à tous les participants. À présent, je vais donner la parole à Claire. C'est la première qui prendra la parole sur la didactique professionnelle comme miroir. Nous sommes partagés le temps. J'en ai déjà mangé beaucoup, je m'en excuse. Moi, j'irai très très vite sur les trois questions vives, en fait, les questions vives soulevées. Et Delphine, alors Delphine va apporter, en fait, Delphine est sociolinguiste, elle vient de l'UQAM. Nous nous sommes rencontrés sur des problématiques communes, mais pas du tout dans le cadre de la didactique professionnelle. Et elle vient ici présenter son regard de sociolinguiste à la compréhension des interactions recherche et formation. Je trouvais que ça donnait un éclairage et une perspective intéressante. Voilà, à toi Claire. Merci. Alors pour commencer, je voudrais partager avec vous un étonnement dans le cadre de cet atelier. En effet, vu son thème, articulation, recherche et formation, je m'attendais à trouver beaucoup de communication sur, plutôt classique en didactique professionnelle, hein, l'analyse du travail pour la formation, la production d'outils et de dispositifs, pourquoi pas de simulateurs. Apparemment, il y en a eu dans d'autres ateliers, pas dans celui-ci en tout cas. Je n'ai rien trouvé de tout cela. On en a parlé, hein, c'est un étonnement partagé un peu par toutes les trois. On a au contraire vu des communications qui parlaient de dispositifs d'accompagnement, d'expression de l'expérience de professionnels auprès de groupes de professionnels ou, comme l'a dit Marie-Paul dans sa contribution, accompagner la prise de conscience et faire émerger l'implicite. Voilà les dispositifs qui nous ont été présentés. Dispositif plutôt de recherche-action, si je reprends les termes, recherche-intervention ou même recherche-formation, selon Delphine Audier-Gedge. Il y a d'ailleurs eu un débat dans un atelier sur comment on appelle finalement ces dispositifs hybrides, hein, recherche-formation. On ne sait pas très très bien les qualifier encore. Et finalement, pour inverser les termes, analyse du travail pour la formation, on pourrait dire qu'on fait de la formation par l'analyse du travail. Alors finalement, l'idée c'était de se dire que la didactique professionnelle et ses cadres théoriques et méthodologiques permettent d'offrir un miroir à ces professionnels qui se prêtent au jeu de l'analyse, qui participent. Et ça me rappelle ma première restitution d'analyse du travail quand j'étais toute jeune avant ma thèse auprès de consultants et un des consultants avait été un peu secoué par le retour qu'il y avait eu et m'avait dit finalement c'est même presque violent cette analyse du travail puisqu'on se voit faire y compris dans ce qu'on ne pense pas faire et dans ce qu'on dit ne pas faire et avec ce type d'analyse on ne peut pas tricher, voilà, on est obligé de faire face à la réalité de l'action. Alors, pour en venir sur la première idée qui était développée dans les textes, c'est que finalement, l'analyse du travail telle qu'elle est proposée offre un miroir grossissant pour les professionnels. En fait, on demande aux gens de se regarder agir et la formation consiste à ce que les personnes se regardent agir selon différents dispositifs. Hein. Le plus classique, on va observer les gens au travail puis on leur restitue nos observations qu'on discute avec eux. Il y a eu des dispositifs où on auto-confronte les gens à leur activité, à des traces, ou alors on demande aux gens de s'observer agir en cours d'action, ou encore on leur demande, là on a eu beaucoup d'exemples, de raconter comment ils s'y prennent, donc plutôt dans des formes d'analyse de pratique, et ensuite d'en discuter collectivement. Donc on voit qu'il y a tout un tas de modalités qui sont utilisées et que les personnes vont être plus ou moins associées hein, dans le travail d'observation et d'analyse. Alors finalement, un des objectifs qui est donné à tout ça, c'est de sortir les professionnels d'une certaine vision de leur travail, de braquer le faisceau sur l'activité quotidienne, ordinaire, de la dénaturaliser d'une certaine manière, donc de sortir de l'évidence, puisque souvent l'activité quotidienne, c'est ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas forcément conscientisé, ce qui est du ressort donc de l'évidence. D'ailleurs, comme le disait Brunner, la culture, c'est le « taken for granted », c'est ce qu'on tient pour acquis. Et d'une certaine manière, ces dispositifs permettent de lever hein, ce qu'on tient pour acquis et de le remettre en question, pour reprendre un mot de Leplat, de désincorporer une partie des choses qui ont été incorporées. Et puis, deuxième idée à travers les ateliers, il y a eu des débats, est-ce que c'est un miroir déformant qui est offert par la didactique professionnelle, puisqu'en fait, on demande aux gens qui participent à ces formations, ateliers, recherches, de repenser leur activité dans un nouveau cadre, et on amène, nous autres chercheurs, des concepts pour les aider à penser leur activité différemment. Alors, notre grille de lecture théorique est celle des chercheurs. Par exemple, on va chercher les fameux concepts en acte ou concepts pragmatiques qui sont un peu le graal des didacticiens. Et du coup, la question a été posée en atelier, est-ce qu'on donne cette grille aux professionnels ? Est-ce qu'ils sont à même de la comprendre ? Jusqu'où doit-on les former à la compréhension du cadre théorique ? Comment ne pas jargonner ? C'est aussi une vraie question. Ne pas leur imposer des concepts qu'ils ne comprennent pas pour les déposséder du coup de leur activité. C'est un vrai défi de ce type de dispositif. Deuxième difficulté soulevée dans les discussions, comment créer l'appétit et l'adhésion à ces dispositifs d'analyse du travail. Alors, Olry et Serre hein, ont témoigné d'une manière très originale de mettre les gens en questionnement sur leur propre activité, quand bien même ils ne l'étaient pas en venant en formation. Et la manière qu'ils ont trouvé de le faire, c'est de placer les gens dans une situation inédite, qui n'est pas du tout une situation prototypique du travail. Donc, il y a un déplacement qui s'est opéré. Je vous renvoie au texte, si vous voulez en savoir plus. Pour finir, un des effets de ces dispositifs d'analyse de pratique et du travail a été montré dans tous les textes, c'est d'identifier les savoirs d'action. Alors je reprends le terme employé par Alain Mouchet sur les entraîneurs de rugby, les savoirs d'action, qui seraient en partie dévalorisés et non pris en compte dans les formations traditionnelles. Dévalorisés par rapport au savoir académique d'ailleurs. Alors ces savoirs d'action, on peut les appeler des organisateurs de l'activité, constitutifs des schèmes, des habitudes d'orientation, si on reprend le concept de Joris Thievenaz, ou encore des croyances qui fondent l'action. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces dispositifs permettent, d'une certaine manière, de désincorporer ces croyances au cœur de l'action, de les mettre à jour et du coup de les mettre en débat et en discussion entre professionnels et avec les chercheurs. Il y a eu un très bel exemple que je voudrais citer très rapidement par Jeanne Grillet-Sylvain, qui a travaillé sur des élèves infirmiers. Et qui a mis à jour par son analyse observation du travail des négligences dans les règles d'hygiène fondées sur des croyances, notamment une croyance « un cheveu n'est qu'un cheveu ». Voilà ce que disaient des élèves, ce qui justifiait le fait de ne pas porter les bonnets de bloc. Donc un cheveu n'est qu'un cheveu, une fois qu'il est mis à jour, peut ensuite être objet de discussion et de travail dans ce type de dispositif. Pourquoi est-ce que c'est important de détecter ces croyances qui fondent l'action ? Si on en croit Jacques Baillet dans un texte de 2001, il dit « quand on connaît l'importance des croyances dans l'action, c'est par leur détection qu'il faut commencer ». Et ça renvoie à Gérard Vergniaud dans un texte de 1998. Gérard, tu as été cité par toujours Jeanne Grillet-Sylvain, puisque tu disais « ce qui fait la différence entre deux niveaux de développement, c'est les théorèmes en acte ou les propositions tenues pour vraies sur le réel ». Donc on en revient à l'importance de cette détection et de cette mise en débat des propositions tenues pour vraies qui orientent l'action des professionnels. Et pour finir, il est apparu ici, alors pour faire le lien avec les discussions qu'on a eues pendant ces deux jours sur la didactique professionnelle, discussion un petit peu plus large sur le est-ce que c'est trop optimiste, etc. Deux choses semblent ressortir de mon point de vue, mais on pourra continuer le débat de ces texte et de ses communications. La première, c'est que ça peut être quand même subversif, cette histoire d'analyse du travail avec les professionnels, puisqu'en révélant l'existant, on offre la possibilité d'en sortir. Et c'est parce qu'on le révèle et qu'on le travaille qu'on va pouvoir finalement en changer et peut-être innover. Donc, finalement, ces dispositifs permettent d'organiser, de canaliser la circulation des croyances professionnelles qui auraient de toute façon lieu de manière un peu sauvage dans les univers du travail. Et là, on va dire qu'elle est un petit peu encadrée, canalisée par des dispositifs. Mais il y a quand même deux risques importants qui ont déjà été soulignés au cours de ce colloque. Je ne fais que les rappeler. Le premier, il me semble, c'est de légitimer. Donc le risque serait de légitimer des pratiques, des déviances. Alors il y a des transgressions, hein, comme le dit De Jour, dans toute activité de travail, mais peut-être qu'il y a des transgressions qui sont plus tolérables que d'autres du point de vue de l'institution, ou du patient, du client, etc. Et donc est-ce qu'on risque pas, en laissant uniquement voix aux professionnels, à légitimer des pratiques limites ? C'est une vraie question qui pose la question, dans ce type de dispositif, du recours à l'expertise, à la voix de l'expertise et de l'institution à un moment donné. Et puis, deuxième risque, la question de l'internalisation. Est-ce qu'on ne renforce pas les attributions internes de comportement en braquant le faisceau sur les mille et une manières dont les individus s'adaptent à leurs contraintes de travail? Et il me semble, donc ça pour faire l'écho avec les tables rondes précédentes, il me semble que pour sortir, éviter ce risque, il y a une manière, et une manière qui est souvent traitée en analyse de pratique, c'est d'explorer les situations. Ce n'est pas tant d'analyser les pratiques, mais avant tout d'analyser les situations et ce que les situations nous amènent parfois, malgré nous, à faire. Voilà, je vous laisse continuer. Merci Claire. Alors donc on va passer sur rapidement, hein, pour qu'on ait toutes les trois le temps de parler. Moi j'ai déjà pris pas mal de temps de parole, hein, sur ce que j'ai annoncé comme question vive qui reste en débat à la suite de cette session d'atelier. Alors, bien évidemment, hein, je n'ai pas la prétention ni d'être exhaustive, et surtout pas d'être exhaustive, et j'ai pris le parti, finalement, comme je n'arrivais pas à vraiment avoir le temps de citer tout le monde, de ne citer pratiquement personne, donc je m'en excuse à l'avance. Je vais faire référence plutôt au contenu. Donc, la mise au travail de la... Donc en fait, on a pris trois axes, hein, il y en aurait sans doute d'autres. On a privilégié, je dis on parce qu'on a beaucoup travaillé avec Delphine aussi, on a privilégié trois axes qui ont été mis en débat, ou en tout cas qui sont des questions vives dans le thème. Le premier axe, c'est la mise au travail de l'activité professionnelle. Alors, c'est de quelle activité parle-t-on ? Hein, et c'est quel est, enfin, quel, à quoi en fait, comment, de quelle activité, quel est l'enjeu en fait dans les dispositifs ? Est-ce qu'on va se centrer sur l'activité spontanée du sujet, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre au travail, c'est l'activité spontanée du sujet, son activité ordinaire qu'on aura effectivement recueillie et à partir de traces vidéo, à partir de traces verbatim. C'est ça qui va être mis au travail dans les dispositifs. Est-ce que c'est l'activité d'autrui ? Alors, par exemple, on a un dispositif Néopass Action qui travaille à différents niveaux, où ce que nous a présenté la collègue, les deux collègues, c'était finalement une mise au travail de l'activité des sujets à partir de l'activité d'autrui, d'autres débutants en situation problématique. Donc là, on peut se poser aussi, c'est une question, c'est-à-dire que quel est finalement, quel est l'impact sur le développement professionnel des sujets. Donc il y a des activités qui sont non seulement sélectionnées, parce que l'activité d'autrui, le chercheur a une action, il sélectionne des situations pour le coup qu'il va prendre comme situation problématique, et dans certains cas, dans certains dispositifs, le sujet qui participe au dispositif qui a été présenté bénéficie également de l'activité commentée par la personne qui est objet en fait de l'analyse, l'activité professionnelle. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, et troisième type d'activité que nous avons sorti, c'est ce qu'on a appelé les activités forcées finalement, où il y a une intervention du chercheur qui va modifier la situation ou qui va proposer, alors modifier la situation, tu as fait écho tout à l'heure hein, aux travaux de Paul Henry, Marianne Cerf et leurs collègues. Effectivement, ils vont mettre les conseillers agricoles dans une situation qu'ils vont appeler des situations décalées, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à des classes de situation de leur métier, mais ça va être comme, moi j'appellerais ça une provocation didactique, hein. Ils vont avoir une, alors est-ce qu'elle est didactique professionnelle, en tout cas une provocation qui va amener les conseillers agricoles à discuter de leur activité d'une autre manière. Alors ça, c'était pour le premier axe. Je travaille sans notes, ce qui n'est pas facile. donc sur l'histoire quand même de l'activité, pour faire écho, je fais en même temps écho à ce que vient de dire Claire, c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on met au travail finalement dans ces dispositifs. Quand on travaille sur des situations problématiques, il y a deux façons de le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut comprendre une situation problématique comme celle qui va être effectivement, du point de vue de la situation, qui va nécessiter une compétence critique du sujet, et on va chercher quels sont les ingrédients de l'expertise qui permet de dépasser cette situation problématique. C'est pas la même chose que de prendre une situation problématique et de donner à voir une activité qui, elle aussi, est problématique dans cette situation problématique. C'est-à-dire que dans les dispositifs de formation, je pense que l'impact sur l'activité professionnelle n'est pas le même. Deuxième élément qu'on a isolé, c'est la prise en compte des temporalités différentes. Finalement, a été beaucoup discuté dans les différentes contributions, la non-adéquation ou la possible adéquation entre le temps de la formation et le temps du développement du sujet. Certains contributeurs ont évoqué le temps très court des formations, le temps régi au niveau institutionnel, 15 jours de formation, voire moins, et les ambitions de développement professionnel, ou en tout cas, c'était aussi en réponse à une question sur quelle marque du développement professionnel on donne à voir à travers ces dispositifs. Donc cette adéquation, processus de développement ne cadre pas forcément, et c'est un euphémisme, avec les contraintes institutionnelles de la formation, voire les exigences de performance rapide, par exemple dans le rugby. Je veux dire, l'intervention en termes de recherche-formation, c'est quand même, il faut être performant très vite, parce que les entraîneurs de rugby, au niveau professionnel, ils ont intérêt à ce que leur formation soit efficace, sinon la formation ne sera pas validée, au fait. Il y a un rapport à l'efficacité, à la performance. Il y a aussi l'idée de dissociation ou de simultanéité entre les temps de recherche et le temps de formation, pardon. Tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît. Alors, on l'a évoqué un petit peu en début d'exposé, mais il y a aussi l'idée de... Dans certains dispositifs, il y a bien des temps très marqués entre, par exemple, le rugby, il y a besoin d'un temps de recherche sur l'activité de l'entraîneur de rugby avant de pouvoir monter, et on est dans un dispositif de didactique professionnelle, avant de pouvoir monter la formation des entraîneurs, avec même une introduction de l'analyse de cette activité à l'intérieur de la formation professionnelle des entraîneurs. On a des dispositifs un peu plus complexes où il y a une imbrication de différents niveaux d'analyse de l'activité. Par exemple, si on reprend Néopass, le premier niveau, c'est une activité accompagnée, c'est-à-dire des enseignants débutants en milieu professionnel difficile, sont accompagnés par une équipe de chercheurs. Ça donne lieu à des recueils de traces de leur activité de débutants accompagnés par des chercheurs, avec des traces d'autoconfrontation, donc d'analyse de ces activités par les acteurs. Et ce premier niveau va servir à un second niveau à d'autres débutants. C'est-à-dire qu'on a des imbrications, des dispositifs assez complexes finalement en termes d'articulation recherche et formation et en termes de temporalité différente. Alors la dernière question, c'est celle qui me préoccupe un peu plus à titre personnel, c'est vraiment l'idée de les places respectives des acteurs, chercheurs professionnels dans ces dispositifs, et c'est là où on touche aussi le thème de l'interaction recherche et formation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler de co-élaboration, de co-construction, de co-action, de co-chercheur même. Et d'ailleurs, il y a une des participantes d'un des ateliers qui a commencé son intervention en disant bon, co-co, co-co-rico, en soulignant quand même que ce co, finalement, était un petit peu mis à toutes les sauces. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des concepts, enfin des concepts, des signifiants qui sont là notés, mais par contre, ce qui a été questionné dans cet atelier, c'est l'idée de la construction de ce co. C'est-à-dire qu'il y a quand même un point aveugle, et ça rejoint le point d'avant, il y a un point aveugle dans ces dispositifs, hein, en tout cas tel que nous les avons présentés dans le thème, c'est-à-dire bien une certaine optique de dispositif, hein, on est d'accord. Il y a un point aveugle en termes de constitution de ce collectif. C'est-à-dire qu'il y a une temporalité aussi en termes de constitution du collectif chercheur professionnel pour arriver à une analyse de l'activité qui permettent de sortir, j'allais dire, de faux semblants. J'en dirai pas plus. Dernier point sur les places respectives des acteurs et des chercheurs. On a aussi interrogé, mais très peu finalement, mais tu viens d'y faire référence dans la fin de ton intervention. Quid du partage des théories sous-jacentes aux analyses de l'activité professionnelle? Et ça, c'est encore un point qui n'est pas travaillé, à mon avis, sur interaction recherche et formation. C'est-à-dire que les théories sous-jacentes peuvent être, par exemple, dans une idée d'activité forcée ou d'ingénierie didactique qu'on donnerait à tester à des professionnels. Les théories sous-jacentes d'analyse de l'activité avec une théorie de référence, en fait, de cette analyse, reste implicite. Par contre, si on prend à l'opposé un dispositif tel que le dispositif de co-explicitation qui a été développé par Isabelle Vinati, on voit bien que l'idée là même est un partage de la théorie in situ, c'est-à-dire c'est en axe, c'est-à-dire que la théorie de référence va être mise au travail pour comprendre ensemble, alors je ne vais plus dire co-élaborer, je vais dire comprendre ensemble finalement l'organisation de cette activité qu'on est en train d'analyser. Voilà, je crois que j'ai dépassé mon temps, donc je vais laisser la parole à Delphine. Bon, est-ce que ça va si je parle ici? Oui. Hein. Alors en effet, moi je vais essayer de prendre la casquette ou la veste ou quelque chose en tout cas qui aurait trait à questionner le langage, mais alors pas n'importe quel langage, hein, le langage vu du côté de la sociolinguistique, je pourrais même dire de l'anthropologie du langage, puisque en fait j'ai entendu, et je pense qu'on vient de le redire à l'instant, beaucoup de choses autour du langage, des questions de réflexivité, des questions de place de la relation, hein, entre le chercheur et les professionnels dans des lieux, avec des supports, hein, pour l'interaction, et dans des temporalités qui sont définies. Alors, tous ces paramètres peuvent être vus du côté de la sociolinguistique comme des indices de contextualisation qui permettent la mise en sens et l'interprétation du discours. Alors, il y a eu énormément d'aspects qui pourraient être soulevés. Bien sûr, j'en ai fait une toute petite sélection. Et j'ai choisi de vous parler rapidement de deux axes. Le premier, c'est la question de la circulation ou bien la linéarité des interactions langagières. Et la deuxième, ça sera la place et le rôle du contexte. Alors, on pourrait imaginer, bien sûr, l'interaction langagière dans un schéma un petit peu linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui va introduire un discours, bien sûr, contextualisé. Il a défini un cadre dans lequel ce discours va être posé et un autre sujet qui est récepteur de cet élément. Et on pourrait tout à fait penser cette interaction de façon linéaire, c'est-à-dire que le premier sujet, le locuteur, pense que son discours mis dans un certain cadre, dans un certain contexte, va permettre au sujet d'incorporer ce langage-là, cette interaction, et de faire du sens dans sa pratique et dans son activité. Alors, bien sûr, ça ne se passe pas forcément tout le temps comme ça, et on verra que ça pose tout un tas de questions théoriques pour les sociolinguistiques, pour les sociologues. Par exemple, Jeanne Guay-Sylvain nous a évoqué la difficulté qu'avaient les formateurs lorsqu'ils parlaient de différentes manières, à différents moments, de cette nécessité d'avoir des précautions dans leurs gestes et dans leurs actes pour se référer à de l'hygiène, mais le fait que ça ne fonctionne pas vraiment et que ce discours n'est pas performatif. À un autre moment, on voit Alain Mouchet qui évoque que son questionnement central va être celui de savoir comment le discours que donnent les entraîneurs de rugby à la mi-temps a ou pas, de quelle manière en tout cas, il peut avoir un impact sur ce changement d'action lors de la deuxième mi-temps. Alors on voit bien qu'il se joue quelque chose finalement dans la manière dont le discours va être donné à entendre et comment il va être reçu. Mais alors, qu'est-ce qu'il se joue? Et c'est là où on peut discuter longtemps. Est-ce qu'il se joue quelque chose dans l'expérience des sujets? Est-ce qu'il se joue quelque chose dans l'ingénierie qui est proposée? Est-ce qu'il se joue quelque chose dans l'interaction elle-même? Et bien sûr, je vais rajouter, est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'ensemble de ces éléments-là? Mais c'est une véritable question. Et il me semble que nous avons une ressource en sociolinguistique qui pourrait être mise en débat, bien sûr, c'est de penser les discours, non pas dans cette modalité de linéarité, mais bien de circulation du discours. Avec, j'aurais dû faire un schéma, j'ai pas bien pensé à ça, mais avec nos deux locuteurs d'un côté et de l'autre, et puis une zone de contexte à l'intérieur entre les deux, mais un contexte qui, bien sûr, est pensé par chacun d'entre les deux interlocuteurs, mais qui va se bâtir aussi dans cet espace entre deux, au moment même de l'interaction, avec tout un système de reformulation, de reprise, de stratégie de mettre en sens le discours. Alors bien sûr, si on prend ce point de vue-là, on doit tenir compte du non-verbal. Alors ça pose tout un tas de questions, bien sûr, dans l'enregistrement des informations et donc dans les jolies vidéos qui peuvent être produites pour tenir compte de ces éléments-là. Ça donne l'idée que le sens se co-construit à n'importe quel moment. Ce que je suis en train de dire fera sens différemment pour chacun d'entre vous, selon quoi ? Eh bien, la sociolinguistique, et notamment Gumpert, Duranty, vont dire qu'il y a en effet trois éléments qui sont centraux. L'engagement. Comment vous et moi nous engageons, et puis donc dans tous les autres contextes, dans cette interaction ? Quelles sont donc les postures de chacun des interlocuteurs ? Quelles sont les attentes de chacun, quels sont les réflexes qu'ils ont au niveau des pratiques langagières, les savoirs qu'ils partagent, et comment on va rentrer dans un processus de coopération. Comment il y a du sens qui est déjà partagé, comment la discussion va créer un sens que l'on partage, comment il y a des domaines de savoir qu'on partage ou pas, et aussi bien sur les contenus que tout simplement sur nos pratiques langagières. Et là, dans tous les dispositifs, on voit bien que l'on crée de nouvelles pratiques langagières entre des chercheurs et des gens qui sont là pour se former, on dira des professionnels en tout cas. Et puis, bien sûr, le troisième axe important, c'est l'ajustement. Comment, au sein même de l'interaction, nous allons jouer des phénomènes d'ajustement, d'interprétation du sens, des implicites, des réorganisations, suivant l'écoute que l'on fait ou l'interprétation des indices que vous pourriez me donner, sauf que je ne vois pas beaucoup, mais comment je pourrais réutiliser ces indices pour modifier mon discours et réorienter ce discours-là. Alors, dans le cas de ce qu'on a pu observer dans l'atelier, ça pose vraiment deux questions. Quel lien existe entre les pratiques langagières du chercheur et le développement qu'il induit chez le professionnel? Mais, ça induit de la même manière. Quelles sont les pratiques langagières du professionnel qui induisent sur le développement du chercheur et donc dans cette interrelation entre recherche et formation. Regardons les ratés d'un point de vue de l'interaction langagière. Regarde-t-on les zones d'incompréhension, les zones de construction du sens? Que peuvent-ils nous apporter en formation, mais que peuvent-ils nous apporter en recherche? Deuxième grand axe que je pourrais mettre en questionnement avec vous, peut-être une fois, à un moment donné, quelle est la force du contexte dans le développement professionnel? Comment on le fabrique, ce contexte? Tous les dispositifs qui ont été présentés fabriquent un contexte que l'on suppose être un contexte favorable pour créer du développement et du changement. Mais ça induit forcément que l'on pense le contexte d'une manière spécifique, et donc ce contexte d'interaction. Est-ce qu'on le pense comme un contexte collé au moment où a lieu l'interaction? Ou est-ce qu'on le pense en continuité avec tout ce qui s'est passé avant dans la relation qu'on a eue avec les gens avec qui, si je me pose en tant que chercheur, avec les gens professionnels avec qui je travaille, et est-ce que je l'imagine aussi dans une continuité vers quelques zones plus tard dans notre futur? À ce moment-là, ça induit une perception du sens très différente. Le sens, il peut être considéré comme créé in situ uniquement, et à ce moment-là, le partage se fait juste dans notre temps situé, ou on peut considérer que le sens se crée en référence à notre passé commun. La prochaine fois que vous m'entendrez, vous imaginerez peut-être déjà que je vais me répéter dans ce que j'ai déjà dit. D'accord ? Donc forcément, votre mécanisme d'interaction va changer vis-à-vis de moi. Et donc aussi dans un futur de notre temps partagé. Alors, on a vu qu'il y avait, je vais faire vite, qu'il y avait des situations très spécifiques qui ont été proposées dans les dispositifs. Créer, on a tous retenu cet élément-là, créer un contexte d'interaction complètement décalé. D'habitude, les conseillers agricoles regardent un champ qui est en difficulté, on va dire comme ça, admettons qu'on puisse considérer que le champ est en difficulté, un champ qui pose une difficulté aux personnes qui doivent s'en occuper. Et bien là, ils leur proposent d'aller voir un champ qui n'a pas de difficulté apparente, d'accord, qui ne pose pas de difficulté apparente. Alors là, on change le contexte du discours, on va mettre des gens dans une posture où ils doivent interagir sur quelque chose qui est étonnant, d'accord, sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'habituel, en pensant que changer le contexte, si j'ai bien compris la proposition de ces auteurs-là, changer le contexte induit changer de discours et donc induit un changement dans le mouvement de la formation lui-même pour repenser l'objet dans lequel on travaille. La plupart du temps, on a tout le temps vu quelque chose, pour moi, qui reste très questionnant. Il y a forcément superposition, croisement de deux ou de plusieurs contextes d'interaction dans les dispositifs qui ont été proposés. Soit on va interagir à propos d'un contexte d'interaction dans lequel le professionnel seulement, le professionnel n'a pas du tout participé. C'est ce qu'on a indiqué, par exemple, dans le dispositif Néopass. Et là, on doit tenir compte d'une interaction. Dans l'interaction chercheur-professionnel, on tient compte d'un contexte dont on n'a aucun indice de contextualisation, sensible, vécu, incorporé, on va juste les refabriquer. Et dans d'autres cas, on va interagir à propos d'un contexte d'interaction où le professionnel juste a participé. Donc ça va être, par exemple, on va avoir des enseignants en interaction et on va proposer des temps d'autoconfrontation. Comment le chercheur comprend-il les enjeux qu'il y a eu au niveau de l'interaction de ce professionnel avec ses élèves? Comment peut-il interagir avec cette asymétrie? Alors, je passerai les exemples, je finis très très vite. D'autres dispositifs vont proposer une interaction à partir d'un contexte interactionnel partagé entre le chercheur et le professionnel. Tout ça pour dire qu'il me semble nécessaire de se poser la question, puis je vous la donne, comment on pourrait analyser ces imbrications? Est-ce qu'on pense que le sens est fortement contextualisé? Et donc, à ce moment-là, on pense qu'il y a toujours une partie de nouveauté dans l'interaction langagière qui va arriver dans notre profession. À ce moment-là, quelles sont les récurrences de ces éléments langagiers en situation de travail? Quelles sont les possibilités de tenir compte de la variation de ces indices de contextualisation? Deuxième chose, si on pense que le sens est relativement figé dans les contours de l'activité, à ce moment-là, quels sont ces contours interactionnels qui sembleraient être figés? Dernière chose, les perspectives. Il me semble que la sociolinguistique et les différentes orientations qui sont proposées par l'analyse du discours, que je n'ai pas pu aborder ici, peuvent apporter peut-être une image supplémentaire, une image complémentaire, une image superposée. Je ne sais pas, ça serait intéressant de le regarder, qu'il reste par contre à animer, et donc vers de fructueuses collaborations. Merci. Bon, ben voilà. Alors, l'exercice était difficile pour Delphine parce qu'entre la synthèse, le contrat en fait qui était passé, c'était la synthèse des ateliers et finalement assumer, parce qu'on s'est posé la question, hein, et assumer un point de vue qui était autre. Hein. Voilà, donc j'espère qu'elle aura rencontré une partie de la salle. Merci en tout cas. C'est la pause. Ah pardon. Ah oui. Il faut que j'annonce la pause, non? Ah bon. Donc reprise 16h30. Je suis pas sûre que Isabelle est.